si vous n'y trouvez pas d'objection, on commence. On commence dans la parole. Amen, amen, amen. Amen. Y a-t-il des questions? Bienvenue. Salut quelqu'un d'en à côté, à droite, dit bienvenue. Bienvenue, mon père. Dis bienvenue. Salut quelqu'un, tu dis bienvenue dans sa présence. Salut quelqu'un à côté de toi, tu dis bienvenue dans sa présence. Bienvenue. Bienvenue au milieu de nous. Salut, salut, salut. Dis bienvenue au milieu de nous. Bienvenue au milieu de nous. Dis à quelqu'un que tu es sous son regard. Tu es sous son regard. Le Seigneur Jésus-Christ te regarde. Il est en effet au milieu de nous. Amen. Quand il dit, vous êtes, nous sommes sous son regard, bien il est au milieu de nous, vous pensez que c'est vrai ça? Vous croyez que c'est vrai? Ok. S'il n'y a pas de questions, je développe ce qu'on a de parler là. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, j'avance là-bas. Il vous dit quelque chose. Bon, quand il dit, est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous? C'est exactement comme quand il était en marchant sur les rives de la Galilée. Quand il était chez Simon mangeant, il était assis là. Les gens le regardaient. C'est exactement comme ça, il est au milieu de nous. Vous pensez que c'est vrai? Prions. Seigneur, merci pour la promesse que tu nous as donnée d'être au milieu de nous chaque fois que nous nous réunissons en ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants maintenant, Père, alors que nous sommes assemblés avec toi, assis avec toi dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Merci pour la promesse que tu nous as donnée, car tu ne peux pas mentir. Merci pour ton esprit qui se trouve en plein milieu de nous maintenant, désirant de faire connaître ta volonté pour nous. Je prie, Père de gloire, pour mon frère, pour ma soeur, qui ne parvient pas à croire ceci, que tu te révèles toi-même à son cœur. Je prie pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de ce pays, et partout, ô Dieu de gloire, où nous sommes écoutés. Je prie, Père, pour quelqu'un qui t'écoute maintenant, Père, de leur assurer que tu es avec lui et que tu es en présence maintenant en plein. Que tu as le regard constamment sur nos voies, car il est écrit dans ce livre, ô Dieu, que tes yeux parcourent toute la terre pour regarder tout ce dont le cœur est tout entier à toi. Que ton nom seul soit glorifié, Père de gloire, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je souhaite parler d'un sujet maintenant. Allons-y quelque part, lire quelque part avant de commencer. Lisons le livre de Marc. Prenons le livre de Marc. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, si vous notez, notez parce qu'on va lire beaucoup de passages. Marc, Matthieu, Marc, oui. Donc, au fur et à mesure, je vais vous donner des passages, nous allons lire. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Ce sont des sujets où, si nous touchons, si vous êtes dans le bon état, vous le verrez là-bas, comment ça s'est manifesté. Ah, combien j'aimerais faire comprendre à l'église ces choses-ci. Combien j'aimerais faire comprendre à l'église. C'est une des choses d'ouvrir la Bible comme ça et de lire. Et c'est une grâce d'avoir Jésus-Christ au milieu. Me suivez, frère. Matthieu, j'ai dit quoi? Marc. Donc, comme vous commencez à noter, donc notez Marc au chapitre 1. On va lire là. On va lire plusieurs livres selon qui va nous donner la disposition. Mais mon désir le plus ardent, c'est de faire que les chrétiens puissent avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse quitter la Bible et se manifeste au milieu de vous. C'est ça. C'est une chose que de lire ce qu'il a fait dans ce livre, ce que vous voyez là. Ça, c'est l'histoire. Pas vrai? C'est l'histoire de ce que Dieu veut que nous fassions. C'est l'histoire de ce que Dieu veut faire. Mais le plus grave, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Alors que nous nous trouvons ici maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment connaître ce qu'il veut faire maintenant? Nous lisons dans la Bible qu'il est entré chez Nicodème. Il est entré chez telle personne. Il est allé là-bas. Il est allé chez Zachée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Est-ce que nous sommes au courant? On dit toujours que Dieu, j'ai vu le film de Jésus. Jésus a guéri une femme. Il y avait une femme qui avait la peine de sang. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Vont-nous saisir ce qu'il est en train de faire maintenant? Est-ce qu'on peut comprendre ce que le Seigneur Jésus veut faire maintenant et peut faire maintenant? Vous me suivez? Marc chapitre 1, lisons quelque chose. Marc le chapitre 1. C'est tout ce que je pourrais faire. Je pourrais faire en tant que son serviteur, c'est d'essayer d'ouvrir les portes et vous faire regarder à l'intérieur. Et j'espère bien que vous allez regarder de la bonne manière ce soir. Marc chapitre 1. Mon désir le plus ardent, je vous le dis chaque fois, c'est que quelqu'un soit connecté au Seigneur pour pouvoir prendre de lui ce qu'il a promis. C'est-à-dire une relation claire, étroite, étroitement liée entre Christ et chacun de nous. De telle enseigne qu'on ne sera plus ballotté à tout vent de doctrine. Allons par ici, on est là. Allons par là, on est là. Et je suis né, confiné, baptisé, confirmé comme la sardine à l'église catholique. On y va, frère. Marc chapitre 1, prenons à partir du verset 21. Marc chapitre 1, à partir du verset 21, prenons là, et au fur et à mesure, vous donnez des versets bibliques. Notez également Marc chapitre 11. On va lire là progressivement, il va vous donner les versets. Donc Marc chapitre 1, verset 21 et suivant. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Vous avez moi? Amen. Il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est merveilleux, pas vrai? On dit le Seigneur Jésus qui est entré dans la synagogue. Si vous lisez le livre de Luc au chapitre 4, à Capernaum, par exemple, il avait pris le rouleau, on lui avait donné le rouleau d'Ésaïe. Il a lu le rouleau d'Ésaïe, il a trouvé le passage, il a ouvert Ésaïe, il a trouvé le passage où il était mentionné de lui, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel. Le Seigneur m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux captifs la délivrance et aux prisonniers, la délivrance et aux prisonniers, le recouvrement des vies. Quand il a fait cela, il a roulé. Il a dit aujourd'hui, vous voyez cela? Chaque jour, on lisait cela dans les Écritures. On lisait cela dans les prophètes. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. J'ai le regarder comme ça, il dit que c'est la dernière fois. Si tu blagues seulement, ne blague plus comme ça, ne blague pas comme ça avec Dieu. Pourtant, c'est la vérité qu'il leur disait. Savez-vous que chaque parole de Dieu adressée à nous, chaque fois, c'est la parole de Dieu, le pain quotidien pour nous. Savez-vous ça? Savez-vous que Dieu a une parole assignée à nous chaque fois quand nous écoutons sa voix? C'est-à-dire que lorsque nous écoutons Dieu parler au travers des Écritures, c'est la parole qu'il adresse à nous chaque fois. C'est-à-dire que si vous allez au ciel, si Dieu dit parle, c'est ça qu'il dira. Qu'est-ce que vous lisez dans les Écritures? Quand vous lisez les Écritures, quand vous confrontez les Écritures chaque fois, quand vous voyez, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom seul soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand vous entendez-vous par là, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, lorsque vous confrontez la parole, quand il parle ici, c'est le pain pour nous ce jour-là. C'est ce qu'il veut pour nous ce jour. Alors, je demande encore, savons-nous pourquoi nous sommes réunis ici maintenant? Maintenant, ce jour, c'est à cette heure-ci maintenant, alors que nous sommes ici et qu'il est présent là maintenant. Savons-nous ce qu'il veut de nous? Pouvons-nous donc le voir? On dit qu'il entra et il lui a donné le rouleau, il commençait à enseigner. Il a enseigné pas comme. Les gens étaient frappés de sa doctrine, remarquez bien. Frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant l'autorité. Pas comme les scribes. Question. Comment les scribes enseignaient-ils le peuple? Les scribes étaient versés là, ils lisaient. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus est né, ce sont des mages qui sont venus dire que où est le roi des Juifs qui est né. Les scribes se sont regardés entre eux et disent, les scribes, le roi des Juifs qui est né. Vous voyez, on peut avoir la lettre, mais tant que l'esprit qui n'est pas là pour confirmer, vous serez des scribes tout simplement. Souvenez-vous, dans Matthieu 17, lorsqu'il est allé sur la montagne de transfiguration, ses disciples ont vu clairement Élie s'est manifesté là, Moïse s'est manifesté et lui ayant été transformé. Ils ont commencé à comprendre que quelque chose ne va pas. Vous voyez, tant qu'on n'est pas entré dans la dimension de la vie de l'esprit, vous allez commencer, on va toujours continuer à lire comme ça chaque jour, comme on lit n'importe où. Il n'y aura pas de transformation, ce sera la lettre. Quand ils descendaient là-bas, alors qu'ils traversaient les cours d'eau, sautaient au niveau des herbes, ils ont demandé à Yeshua, ils ont dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement? Donc, ils lisaient dans les Écritures, effectivement, que avant que le Messie ne se manifeste, il faut qu'Élie vienne premièrement. Ça, c'était quoi? La lettre. Mes frères, ils étaient en plein là avec le Messie. Vous voyez là où c'est dangereux. Donc c'est bien de regarder dans les Écritures ce que Dieu a fait. Moïse a levé son bâton. La mer s'est ouverte. Notre Dieu est grand Dieu. Après, quand tu avances vers quelqu'un pour dire le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Oui. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. On a tué Jésus, oui. Il a dit qu'il reviendra, oui. Mais est-ce que nous comprenons quand il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Là, c'est difficile d'avaler. Là, c'est vraiment difficile d'avaler. Ou bien on peut dire oui, c'est vrai. Ils disent à Jésus, pourquoi les scribes disent-ils que le Messie doit venir premièrement, que Élie doit venir premièrement? Donc ça veut dire que ça s'est discuté entre les Juifs. Que non, si Jésus était vraiment le Messie, normalement Élie devait d'abord venir avant qu'il vienne. Jésus les a regardés comme ça, il a dit oui, il est bien vrai qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est venu, ils l'ont traité comme une, selon ce qu'il a écrit de lui. Les disciples, la Bible déclare que les disciples ont compris qu'il parlait comme ça de qui? Alors la question c'est, comment les scribes qui connaissaient les Écritures que le Christ est censé venir après que Élie soit d'abord là, ont pu rater cela? Pourtant c'est eux qui lisaient. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre là? Souvenez-vous la révélation qui est écrite dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8 là. Verset 11 en descendant, il conclut au verset 12 à 16, il dit « Enveloppe cette révélation, scelle cet oracle parmi mes disciples. » Et il a voilé. Donc les gens devaient lire sans comprendre. Pourtant, il avait dit que c'était le Dieu du ciel qui devait venir au milieu d'eux. Avant de développer ce soir, j'aimerais bien qu'on regarde ce qui est arrivé à ceux-là, pour qu'on sache exactement ce qui arrive à ce jour-ci. Dont les Juifs, lisant les Écritures chaque jour, chaque sabbat, lisant dans les synagogues, allant dans les temples, priant, respectant le livre de Moïse. Mais Jésus se manifestant là, tel que c'est écrit dans les Écritures, eux, ils ne voyaient pas cela se manifester. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? Oui, Jésus a guéri les malades. Est-ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours? Son pouvoir a-t-il cessé? Est-il cessé d'être le même hier, aujourd'hui, pour toujours? Ne dit-il pas dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce qu'on cite cela tout simplement par citation ou bien on est entré en contact avec lui? Je ne sais pas si vous comprenez les questions que je suis en train de poser. N'a-t-il pas dit dans ce livre de Luc, Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20 que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu? Il a dit cela. Savez-vous donc de façon sûre et certaine que le Dieu du ciel se trouve en notre milieu? Vous y pensez? Vous y croyez? Vous l'avez vu se manifester plusieurs fois au milieu de nous, sans que vous ne le voyez physiquement. Et là, vous savez que c'était lui qui s'est manifesté comme ça. C'est ça, frère? Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on avance encore d'un pas. On peut avancer? On marche ensemble avec lui, là? Jésus-Christ se trouvant dans le temple, ouvrant le livre tel que vous avez ouvert pour vous, là, devant vous. Il a fini de lire, il a fermé le rouleau, il a dit aujourd'hui cette parole, il dit aujourd'hui cette parole. Parce que l'être humain a cette nature-là d'aimer connaître le passé, afin d'éviter les fautes dans le futur, mais oublie la marche présente. Vous voyez cela? Non. Je suis d'accord qu'on regarde le passé pour regarder les fautes que nous avons faites afin d'éviter. Mais la vraie difficulté, c'est que on a du mal à voir Dieu dans nos marches quotidiennes. Du mal. C'est le vrai drame là-bas. On espère toujours que dans le futur, Dieu va faire. Dieu dit qu'il veut faire. Mais suivez, frère. C'est pour cela que ça faisait la différence entre ce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait et ce que les scribes enseignaient. Quand ils entraient dans la synagogue, ils les espéraient toujours que Dieu les envoie le Messie. Il était en plein là-dedans. Quel était leur problème? Ils ne savaient pas discerner les temps et les circonstances marquées par l'Esprit. Marquées pour le Messie. Marquées par Dieu. Destinées pour le Messie. Et par conséquent, ils pouvaient rater le temps de leur visitation. Oui, ça c'est eux. Qu'en est-il de nous? Jésus est venu physiquement. on l'a méprisé comme il était écrit de lui, crucifié. Il a ressuscité 3 jours après. Il a apparu à plusieurs personnes pendant 40 jours. Après, il a été élevé par la droite de Dieu et assis à la droite de la majesté divine. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu dans la Bible durant l'époque où il sera ressuscité jusqu'au moment où il reviendra? Qu'est-ce qui est prévu? N'est-il pas prévu ici que ces époques-là seront marquées, seront appelées les derniers jours? C'est prévu donc qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est écrit, frère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà l'une des choses qui est la marque de cette époque. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, en ces jours-là, je verserai mon esprit et ils prophétiseront. Encore, et ils prophétiseront. La question c'est, pourquoi avons-nous des difficultés à vivre cela? S'il est vraiment vrai que le Seigneur Jésus a dit, lorsque je serai élevé, avait-il été élevé? J'attirerai tous les hommes vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, afin de remplir tout en tous. Et celui qui est monté, il a fait les dons aux hommes, n'est-ce pas? Il a fait les uns comme apôtres. Il a fait, pas qu'il va faire. Il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le but pour lequel il a fait cela, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent. Mais aujourd'hui, en 2001, 2002, 2000, jusqu'en 2016, on voit toujours les chrétiens balloter à tout vent de doctrine. Pourtant, il a fait. La question c'est, qu'est-ce qui ne va pas? Avons-nous compris la dispensation dans laquelle nous vivons? Savons-nous ce que le Seigneur veut que nous faisons maintenant? Savons-nous ce que nous voulons que le Seigneur veut que nous fassions maintenant? Sommes-nous au courant de ce que le Seigneur a entrepris de faire en notre jour? Savons-nous ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il veut faire? Ou bien, nous serons exactement comme ces Juifs qui étaient là, contemplant le Messie en plein, en train d'agir au milieu d'eux. Ils n'ont pas vu exactement la gloire qui leur a été destinée. Qu'est-ce qui peut bien causer le problème? Si on ne diagnostique pas toutes ces choses-là, on risque de tomber dans les mêmes choses qu'eux, ils ont tombé. Qu'est-ce qui les a fait chuter? Ils n'ont pas pu mettre en accord les circonstances décrites dans la parole avec la manifestation qui était en plein là, sur le plan physique. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas amené en harmonie les écritures qu'ils lisaient chaque jour et ce qui se déroulait au-devant d'eux. Parce que c'est plus difficile, c'est assez difficile. Vous remarquez très bien, lorsque vous êtes positionné comme ça, remarquez très bien que vous pouvez vous tourner en arrière. Si vous êtes à l'extérieur, regardez quelqu'un qui est à une très grande distance de vous et voir que voilà telle personne là-bas, distinguez les couleurs. Regardez au-devant de vous, regardez quelque chose à des kilomètres, essayez de sonder pour voir ce qu'il y a à des kilomètres. Mes frères, quand c'est positionné sur votre bout du nez, c'est difficile de remarquer. Observez seulement de fixer votre regard sur votre bout de nez. Un instant, observez bien. Regardez. Vous voyez comment vous avez du mal à distinguer votre bout de nez, non? Pourquoi? Parce que c'est trop proche de vous. Quand quelque chose est trop proche de vous, c'est comme ça. Vous pouvez rater. Vous pouvez rester dire à quelqu'un que frère, voilà quelque chose qui marche sur ta tête. Quand c'est sur vos oreilles, vous pouvez voir. Sur votre nez, vous pouvez voir. C'est ça le vrai problème. Donc il faut arriver à amener en harmonie ce qui est très très proche avec la réalité de la Bible, ce que la Bible en prévoit. Alors le Seigneur Jésus-Christ enseignait comme ayant l'autorité, pas comme, la Bible déclare là, il n'enseignait pas comme les scribes enseignaient, dont les scribes enseignaient sur la lettre. Et justement, ce sont les scribes qui enseignaient cette lettre-ci. Ils enseignaient comme ça concernant une personne. Et la personne va venir se manifester en plein en leur milieu. c'est eux qui vont tuer la personne. Ils vont chasser la personne. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ils n'ont pas discerné le temps marqué par la visitation du Messie. L'église se trouve en plein dans cette brouhaha. Il est prévu dans l'église que chaque fois où il y a le désordre, chaque fois où il y aura cette désordre où on ne saura plus quelle direction on est, Dieu va susciter des gens pour envoyer, afin qu'ils remettent les gens que Dieu a destinés sur les rails. Il est prévu cela. On n'enseigne pas une doctrine nouvelle, non. C'est la doctrine originelle qu'on est censé pratiquer. Vous me suivez, frère? On peut avancer maintenant. Vous remarquez que je vais être vraiment doucement. J'essaie de mettre le jargon, n'est-ce pas? Verset suivant. Il se trouva dans leur synagogue. Soulignez leur synagogue. On y va. Il se trouva, nous sommes au verset 23 de Marc, chapitre 1. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Ça pose problème ici. Je me force de m'arrêter doucement, parler doucement depuis le début parce que je sais ce qu'on va confronter là tout à l'heure. Je ne sais pas quels sont les versets que nous allons lire, mais c'est tout simplement ce qui en est. Je peux ressentir tout simplement cela devant. Remarquez que la Bible déclare qu'il entra dans les synagogues, il a commencé à enseigner. Il n'enseignait pas, son enseignement était différent, parce que son enseignement regorgeait de l'autorité. Différent de l'enseignement des scribes. Puis on dit au verset 23, il se trouva dans leur synagogue. Donc le Seigneur Jésus est venu dans cette synagogue, où c'est quelqu'un qui s'y trouvait, avait un esprit impur. L'esprit impur s'est écrié. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Les démons le connaissaient. Ce qui est bon, c'est que on remarque que tant qu'on enseigne sans autorité spirituelle, ça ne fait rien aux démons. Vous voyez? Enseigner sur les dîmes, enseigner sur les principes spirituels de connaître Dieu n'importe comment. S'il n'y a pas l'esprit derrière, vous vous trompez. La preuve, la majorité des gens qui sont conscients du péché, qui sont conscients, qui sont possédés, ce sont les chrétiens aujourd'hui. Pas vrai? C'est pas ça, mes chers. Les démoniaques, les mondains, ils savent, d'abord, ils sont possédés sans savoir. Mais ceux qui sont aiguisés dans cela, ce sont les chrétiens. Beaucoup sont ignorants. Mais regardez, voici quelqu'un qui assiste au culte chaque fois à la synagogue. Certainement, il paye ses dîmes. Pas vrai? La Bible déclare qu'il se trouva dans leur synagogue quelqu'un qui avait un esprit impur. Donc il paye ses dîmes avec l'esprit impur. Pratique la loi de Moïse avec un esprit impur. Va à la synagogue et assiste avec un esprit jusqu'à ce qu'une puissance étrangère vienne confronter. Après, vous êtes sûr, chaque fois vous voyez, vous savez, quand il prêche pour ceux qui viennent souvent de là-bas de l'autre côté, je dis ne participez pas, ne communiez pas avec les mauvais esprits. Il dit qu'il y a quelqu'un ici au milieu de nous qui est comme ça. Après, le Seigneur, vous voyez, lève-toi! Il se lève, et vous voyez la chose se manifester. Pourtant, la personne chante chaque fois. Pas vrai, frère? Lis la Bible. Tu lis la Bible avec qui? Quand tu lis la Bible, tu dis que hey, j'ai prié fort, fort. Tu pries comme ça. Quand la sueur coule sur toi, comme ça, elle coule sur moi, ça ne coule pas sur le démon, c'est sur toi que ça coule. Il est là, tranquille, ça ne le dérange pas. Ce n'est que la puissance de l'autorité divine qui peut le confronter de là. La Bible ne dit pas ici que jusqu'à prier pour chasser les démons. On dit qu'il enseignait comme ayant l'autorité. Quand l'autorité avait l'enseignement qui sortait, quelqu'un se levait et se calme. Il a dit que, qui a-t-il entre toi? Si tu veux aussi dehors, c'est le démon qui parlait cette fois-ci. La présence de l'autorité divine. Donc, si on enseigne la lettre, c'est pour ça que vous voyez, on n'aime pas là où il y a la révélation de Dieu. Parce que là-bas, on dévoile les péchés. Et les esprits aiment ce qui leur donne de se camoufler. On n'aime pas ces gens mieux. Parce qu'on sait qu'on va dévoiler leurs œuvres. Les œuvres sont mauvaises, on va les dévoiler. Alors on aime dire, j'aime aller dans les assemblées où on est nombreux. On est nombreux parce qu'on peut se camoufler comme ça là. Péché bien. On peut aller là-bas, là on ne prie pas trop le nom de Jésus parce que ça me dérange. Ouais, ça me dérange. Moi je souhaiterais être dans un endroit où on dévoile tous les vieux comme ça, que chacun soit en règle. Pas vrai? Pas vous? Les gens aiment là où il y a les milieux, où il y a 400 personnes, sachant qu'ils seront là-bas en train de pécher. tranquillement, ils peuvent faire leur vie n'importe comment. Alors la Bible déclare, remarquez bien, vous aussi constatez avec moi, le constat c'est que cet homme-là allait à l'église chaque fois, jusqu'à ce que le jour où Jésus fait son entrée. Quand Jésus fait son entrée, il dévoile les esprits impurs. Le monsieur était dans la synagogue, donc c'était membre de la religion là-bas. C'est le démon qui a commencé à crier, maintenant qui a-t-il entre nous et toi? La question c'est, chaque fois quand cet homme-là a participé au culte, on louait Dieu. Qui louait Dieu à l'intérieur de lui? Le démon. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Regarde bien. Veille que quelqu'un te regarde bien dans les yeux. Regarde bien. Dis, qui est en toi? Quand tu réussis chaque fois. Quand tu récites à haute voix. Quand tu récites à haute voix. Parce que les pasteurs t'ont trompé. Parce que les pasteurs t'ont trompé. Que celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Toi-même maintenant, qui a qui en toi? Parce que les démons sont classés par catégorie. Si tu dis celui qui est en toi est plus grand que celui dans le monde, ça veut dire que peut-être que tu n'as pas de démons est plus grand que ce que les démons qui sont dans le monde. Mais celui qui est en Jésus, notre Seigneur ici, est tellement plus grand que celui qui est en celui-là. Parce que nous voyons que Jésus n'a pas parlé quelque chose, mais celui qui a commencé à... Parce que sa présence, la présence du Seigneur Jésus-Christ nuisait. Si vous allez au chapitre 5, là, vous allez voir celui des Garanésiens, le démon des Garanésiens, celui qui était possédé. On disait qu'on attachait les mains un peu comment, il brisait les chaînes. La solution pour lui, c'était qu'il habitait dans le cimetière, remarquait un être humain qui dort dans les tombeaux. Donc sans être mort, il dormait au cimetière. Alors qu'au cimetière, fait pour les gens qui sont déjà morts. Donc pour lui, il était dans mort déjà des vivants. Pour que le jour où il meurt, on creuse encore la tombe pour l'enterrer là-bas. Vous voyez comment cette personne peut avoir souffert. La Bible déclare que dans la route où il était, personne ne passait pas par là-bas. Parce que quand on passe là-bas, on savait qu'il devait jeter les cailloux. Donc, les êtres humains étaient limités. Ils ne pouvaient plus rien faire pour l'aider. La Bible déclare que quand le Seigneur Jésus est sorti du bateau, il a déposé les pieds au sol. Celui-là est sorti du tombeau pour venir vers lui. Qui a-t-il entre toi? Il criait, je sais qui tu es, le Fils de Dieu très haut. Est-ce que Jésus est allé prêcher là-bas? Sa présence est attirée pour délivrer. Donc, la présence du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Monsieur, donc, on a besoin de la présence de l'Esprit du Seigneur au milieu de l'Église. Dire même qu'il y a une Église sans Esprit du Seigneur, c'est un problème. Parce que devant l'Église, il a dit c'est lui qui bâtira son Église. À ce moment-là, si c'est lui qui bâtit son Église, il doit bâtir son Église, c'est pas l'Esprit qui bâtit l'Église. Donc, dire déjà qu'il n'y a pas l'Église, c'est que il y a tellement de choses qui ont été bouleversées dans cette époque, où on dit même des choses qu'il ne faut même pas dire. Parce que l'Église, normalement, ce sont ceux qui sont appelés hors du système, hors du monde. Et parce qu'ils sont appelés, ils sont censés être sanctifiés et scellés de l'Esprit du Seigneur. Et par conséquent, c'est le Seigneur qui marche au milieu. Mais la réalité tout autre est présentée. La Bible déclare, l'Apocalypse chapitre 1, celui que celui qui marche au milieu des sept chandeliers. C'est ça? Celui qui marche au milieu de l'Église. Mais on voit l'Apocalypse chapitre 3, comment il se tient dehors. Et toc, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Puis il dit, si quelqu'un a les oreilles qu'il entend, c'est que l'Esprit dit aux églises. Donc il dit qu'il est à l'extérieur de l'Église, désire entrer. Mais l'Église est en train de dire, oh, nous avons de grands bâtiments. Nous avons fait campagne d'évangélisation aujourd'hui. Il y a 500 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Cameroun pour Jésus-Christ. Abidjan pour Christ. On porte les tenues. On croit qu'en écrivant, en portant les tenues, on dit que j'ai choisi Jésus. Et toi, j'ai visé juste. Choisissez Jésus. On écrit pour évangéliser. Non, on n'est pas devenu les plaques d'indication. On doit être des lettres vivantes pour Christ. C'est-à-dire, c'est notre vie. Tu ne témoignes pas les tricots que nous portons à nous pour dire que nous sommes des chrétiens. Non. Ce n'est pas parce qu'on doit venir chez nous, on va voir les tableaux au mur, ou bien les versets bibliques écrits au mur, que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas le bâtiment qui doit servir l'Éternel, c'est toi qui es à l'intérieur. Suivez ça. Tu ne dois pas courir dans ta moto, mais écrit sur la voiture, je suis couvert par le sang de Jésus. Si tu fais comme ça qu'à l'intérieur de ta voiture, tu commets l'iniquité, tu n'es pas couvert par le sang de Jésus. Parce qu'en lui, c'est le oui et le oui, le non et le non. Tu ne peux pas être dire que tu es de la justice et tu as de commettre l'iniquité. Ça ne peut pas marcher. Suivez. Oui. Tourne-toi avec quelqu'un dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas suffisant d'écrire ça sur la plaque et mettre à la maison. Ce n'est pas suffisant d'écrire ça sur la plaque et mettre à la maison. Il faut servir dans la pratique. Il faut servir dans la pratique. Mais suivez, frère. Oui. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il va vraiment doucement, n'est-ce pas? Parce que je veux que ça pénètre bien. Donc cet homme-ci était chaque fois à l'assemblée jusqu'à ce que la puissance entre en action. Tant que la puissance de Dieu n'est pas là, ce qu'on fait là, c'est les histoires, c'est la religion. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Pourquoi tu es souris, frère Judas? C'est mon passé, frère. Ne tenez pas attention, frère. Comment il ne prie pas attention? Tu as des rires. Ou bien c'est amusant seulement aujourd'hui? Non. C'est quoi, là? Ou bien je ne dois pas dire des choses comme ça? Non, ce n'est pas ça. C'est non, pas... c'est juste pour... Tu es dépassé par les événements? Non, ce n'est pas ça, frère. C'est juste pour la maison. Juste pour ça. Quelle maison? Tu as aussi écrit ça ton mieux que toi et ta maison faisaient vrai l'éternel. Non, frère. Vous entendez chez les frères, quand ils parlent, vous riez. Vous allez chez les dans les foyers chrétiens, vous voyez ça en gros caractère au mieux. Mais la bagarre qu'il y a dans la maison là-bas, les insultes qu'il y a à la maison là-bas. Quand tu regardes le mieux, tu vois, moi et ma maison, c'est vrai l'éternel. Tu vois l'action qui se passe là-bas, c'est autre problème. Tu vois, tu viens chez quelqu'un, tu vois, femme, soyez soumise à votre mari là-bas, comme au Seigneur. Tu vois, quand tu restes là, tu observes, la femme tape la porte comme ça devant le mari. Tu vois, c'est écrit là-bas, femme, soyez soumise au Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire, frère? On doit préciser ces choses pour que les gens prennent conscience. Jusque-là, les gens allaient doucement, on arrive quelque part, ils sont ça venir, c'est l'eau comme l'eau qui a découlé. D'accord? Alors, la présence du Seigneur Jésus-Christ apporte la liberté. N'est-ce pas? Notre prière, c'est que le Seigneur Jésus entre au milieu de l'assemblée. Parce que s'il entre au milieu de l'assemblée, les choses qui sont cachées, remarquez bien que cette personne-ci qui était avec l'esprit impur, si le Seigneur ne venait pas, il serait là avec l'esprit impur, parce qu'il mourrait avec l'esprit impur. Mais le problème, c'est qu'il irait dans le lieu de culte, croyant qu'il en est servi qui. La Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, chacun de nous devait prier seulement, Seigneur, s'il y a des démons en moi qui peuvent m'empêcher de marcher comme avec toi, daigne enlever, daigne exposer. C'est la prière qu'on doit faire là-dedans. Parce qu'on a tamponné beaucoup de choses, on croit, après tu viens au milieu de l'église, tu te restes, tu crois que tu as pas, que tu es bien. Avançons et continuons. Verset 23, il dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Vous avez vu, c'est un homme qui s'écria. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Donc les démons connaissent la mission de Jésus. Il est venu pour faire perdre des démons. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Vous avez vu ça? C'est merveilleux. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Je ne sais pas si ça va me laisser aujourd'hui, mais permettez-moi de dire encore quelque chose sur ce verset. Vous allez voir dans les rassemblements dits chrétiens aujourd'hui. On prie des filles, sont au sol, ils prient. On dit qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est les démons qui sont écrits. Regardez bien. Verset 25. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand ça tombe aujourd'hui, au lieu de qu'on chasse les démons, les gens disent plutôt que c'est le baptême du Saint-Esprit, les esprits se confortent encore sur des chrétiens. Quand ils reviennent en aide, tous furent saisis. Regardez, verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Et comment avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent? Ils étaient étonnés. Vous avez vu ça? C'est terrible. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Puis le Seigneur Jésus est venu ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Et puisse-t-il nous guider vraiment maintenant. Continuons la verset 29. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Yeshua, à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. On a vu un démoniaque qui est à l'église. On a vu quelqu'un qui est en relation, la belle-mère de Pierre. Donc ça n'est pas parce que tu as épousé la femme d'un prophète ou bien le prophète que la maladie va te laisser jamais. Il dit c'est plein dans la vie. On peut avancer comme ça là. Pas parce que tu es proche. Regardez. Enfin, son propre ami, même Lazare, lui-même, son ami intime, l'une des personnes de la Bible qu'on dit, son ami était malade, il a laissé qu'il meure. C'est ça, frère? Donc avançons. Verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Si le Seigneur n'est pas là, franchement, l'humanité est perdue, je vous le dis. Si le Seigneur Jésus n'intervient pas, l'humanité est perdue. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Vous avez vu ça? Imaginez comment il est. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Le Seigneur ne voulait pas que ce soit le démon qui dévoile qui il est. Il voulait que les gens puissent reconnaître que les œuvres que je fais rendent témoignage de ce que je suis censé être, d'accord? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. D'accord? Voilà. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le lui trouvaient, il lui dit, tous te cherchent. Vous avez vu ça? Souligné, tous te cherchent. Vous avez souligné, frère? Frère, c'est le Seigneur Jésus qu'on doit chercher. Ceux-ci avaient raison. C'est le Seigneur Jésus qu'on doit chercher. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il a prêché dans les synagogues par toute la Galilée et chassa les démons. Donc vous voyez comment les démoniaques se rassemblaient dans les synagogues. Transportés aujourd'hui, vous voyez comment les personnes sont possédées. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est que la puissance du Seigneur Jésus-Christ est disponible de la même façon. Ça n'a pas changé d'un seul cran. D'un seul cran. Pour guérir, chasser des démons, ressusciter les morts. Il y a des choses qui vont arriver de façon inouïe que vous ne connaissez pas. J'ai ma femme qui est au courant avec les noms qui sont donnés. Des choses inouïes qui sont laissées préparer. Inouïes. Qu'on n'a jamais entendu parler dans ce pays-ci. Des choses qui sont d'arriver. Je vous le dis. Avec les noms, c'est écrit. Avec les noms. Le moment où ça va arriver, il y a des choses qui vont arriver. Je ne suis pas seulement permis de dire des choses. Donc, regardez ce qui s'est passé ici. Donc, le Seigneur Jésus-Christ finit dans un lieu, il va en un autre lieu. Et c'est la même chose qui se manifeste. Il dit, il est arrivé là-bas, il a guéri les malades, ressuscité les morts. C'est pas tous comme ça dans la Bible. Pas vrai? La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, certaines factions des chrétiens se sont levées. Parce que le faux est arrivé, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit. Plus dans ce Matthieu chapitre 7, plusieurs me disent à la fin du temps que nous n'avons pas guéri les malades, nous n'avons pas chassé les démons en ton nom, nous n'avons pas fait ceci prophétiser, et le Dieu, il ne vous a jamais connu. Le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guérison. Il n'a pas dit qu'il y aura les faux prophètes seulement. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de prophéties, non. Il a dit que plusieurs me diront qu'ils ont fait ça. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous qui connaissez, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que tu ne peux pas prononcer le nom du Seigneur et aussitôt être contre lui. Vous voyez, il a dit dans ce Matthieu 24 là, il a dit que plusieurs faux prophètes se lèveront. Il n'a pas dit que tous seront les faux prophètes. Il a dit que plusieurs faux prophètes se lèveront. Donc c'est prévu que dans la fin du temps, enfin, c'est normal qu'il y ait pas mal de faux sans vrai parce qu'il faut que le faux soit copié du vrai. Donc c'est prévu que les vrais soient toujours là. L'apôtre Pierre dans 2 chapitre 2 a dit, il y a eu dans le passé, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs. Vous voyez, qui introduiront les sectes pernicieuses. Or, eux, ils sont des docteurs de l'Église. Vous voyez, dans les enseignants. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus des enseignants, que tous les enseignants de la Bible seront des faux enseignants. Il y aura des faux. Donc, on avertit seulement, en fait, qu'on prenne garde. La façon dont on va les discerner. Il faut donc les discerner au travers de la Bible. Ce qu'il avait dit ce soir, allons dans un autre passage, chapitre 11. Notez Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Après, on va y aller. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Vous avez noté Jean, maintenant. Jean. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 14. Versets 13 et 14. Chapitre 15 aussi, verset 7. Notez Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 5 à 18. Chapitre 4, versets 14 à 16. Chapitre 4 des Hébreux, versets 14 à 16. Enfin, le chapitre 11, verset 6 pour Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Matthieu chapitre 18. Versets 19 et 20. Puis maintenant, Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. Pour l'instant, donc, lisons Marc chapitre 11. On y va. Marc chapitre, on va lire à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ça, c'est un autre sujet, vous pouvez parler, ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivaient à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Aujourd'hui, il a chassé là, à ce moment-là, aujourd'hui, ils sont encore entrés dans le temple. Ils vendent maintenant plus que c'est grave seulement. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Aujourd'hui, ils vendent plutôt les livres maintenant. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et aujourd'hui, c'est même le fouleur qu'on transporte et distribue. Et il enseignait et il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous avez vu ça, frère? Continuons. Souvenez-vous de ce qui est arrivé au verset 13 là-bas. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Verset 20 maintenant, écoutez attentivement. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est merveilleux maintenant. Il peut prêcher maintenant toute l'année maintenant. C'est seulement merveilleux. La parole, vous savez, la parole bouge mon âme à l'intérieur comme ça. Il le verra s'accomplir. Ah, il me semble vraiment bien là maintenant. Regardez. Je vais parler d'un sujet maintenant. Crois Dieu nonobstant les circonstances. Quelles qu'en soient les circonstances, crois Dieu. Avoir foi en Dieu, quelles qu'en soient les circonstances, avoir foi en Dieu. C'est de ça dont je vais parler maintenant. Souvenez-vous de là où on a commencé. Maintenant, je peux vraiment prêcher là, maintenant, je me sens vraiment bien. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit ici, dans ce verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout à l'heure, en développant, je pose la question, est-ce que nous regardons le passé, nous voyons Dieu a fait des choses, dans le futur, il va faire des choses, mais qu'est-ce qu'il a de faire maintenant? Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est en fait parce que notre cœur n'est pas ancré à la confiance en Dieu. Donc, le vrai problème, c'est là. Parce qu'il a dit, si quelqu'un croit, il verra, pas vrai? Maintenant, regardons. Il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Puis il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez. C'est ça? Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Donc, quand on demande quelque chose dans la prière, on croit qu'on l'aura. C'est ça? Non. On croit comment? On a reçu. Qu'on a reçu. je suis dans des difficultés, je prie, Seigneur, te soumets. J'ouvre mes yeux, les difficultés sont là. Qu'est-ce que je dois croire? Les difficultés ne sont plus. C'est que vous dites là, vous pensez, ou bien c'est parce que la Bible a dit. Frère, je vous le dis, vous saisissez cela. C'est pour ça que vous, moi, je n'ai pas en réalité des problèmes. C'est ma vie là, maintenant. Je n'ai pas des problèmes, même si elle n'importe quoi. Quand les gens me voient, je suis impétible, mais ça va pas. C'est parce que je sais où j'ai ancré mon cœur. Je sais où j'ai ancré. Vous savez, vous saluez quelqu'un, vous dites bonjour, mon cher. Tu entends d'abord, avant de dire bonjour, il fait. Qu'est-ce que tu as à voir avec bonjour? Ça va, mon frère. Tu vois, il toi la main comme ça sur le jour, comme ça, il dit que. Ça va aller. Comment ça va? On demande si ça va. Vous voyez, il projette dans le futur. Ça va à aller. C'est pour dire que pour le moment, ça, ça ne va pas. On a une situation à résoudre là maintenant. C'est vraiment dit là maintenant. Alors, Dieu a permis, et c'est son principe à lui. Dieu a permis, dans ce livre de Hébreux chapitre 2, n'est-ce pas? Je vous ai dit, ça devait aller. Ce livre d'Hébreux chapitre 2, la Bible déclare que ce n'est pas aux anges que Dieu vient en aide. Ah, voilà. Parlant de l'aide, psaume 23, que tout le monde connaît, dit l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la, je ne crains aucun. Comment tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains pas? Donc ça veut dire que tu peux être dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, parce que ton bâton et ta houlette mais rassure, donc ton cœur doit être ancré quelque part sur le sceptre, sur la puissance de Dieu. Vous voyez, David dans ses psaumes 18, verset 4, il dit que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est-à-dire quoi? Je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est-à-dire que j'ai des ennemis, je me concentre soit sur les ennemis, je me concentre sur la louange de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a mis ça en pratique dans Actes chapitre 16. On les a mis en prison. Ils ont commencé à dire que je brise les verrous de prison. Je tue les juges qui vont juger. Frappe d'aveuglement mes ennemis. Non. On dit qu'ils louaient, chantaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, les fondements de la prison sont ébranlés. Ça a cassé. Pas vrai? C'est ça que psaume 18, verset 4 dit. Je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous voyez ça, frère? J'ai dit que c'est ma vie ici, là, maintenant. Où il y a n'importe quelle situation. Tu restes tranquille parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas. Oh, demande ton voisin, tu te plains. Demande ton voisin. Tu te plains. Après, quand tu finis. Regarde, quelqu'un dit, quand tu te plains là. Après, tu te plains. Là, ça résout le problème. Si tu as faim là, quelqu'un te salue, tu dis, tu. Après, tu là, tu manges. Le texte de Lamentation, chapitre 3. Lamentation. Et je crois qu'il va falloir que je limite les versets pour en parler doucement, sinon ça ne va pas me laisser, ça risque d'aller très loin là. Notez les versets 36 à 38 de Lamentation 3, avant que j'arrive. Si vous êtes prêts, j'avance. Versets 36 à 38. À 38. On y va. La plainte, les murmures et les plaintes ne sont pas les solutions pour les enfants du Seigneur. Il faut qu'on soit aguerri. Il faut qu'on profite notre relation avec le Seigneur, notre contact avec lui. C'est notre contact avec lui qui cause donc cette chose. C'est ce que je suis en appelé maintenant l'assurance du cœur. Il faut que quelque chose se passe dans notre cœur, un contact, une expérience se passe dans notre vie avec le Seigneur. L'Éternel enseigne que ça nous donne de l'assurance avec lui. Si vous entendez seulement le Dieu des scribes, quand il parle de Dieu des scribes, c'est-à-dire que le Dieu où on prêche que je sais que Jésus est venu des morts pour nous, je sais que, vous n'aurez pas match quand il y aura des difficultés. Ça ne résout pas le problème quand vous aurez des difficultés. Mais si le Seigneur qui se manifeste à toi, par expérience, tu sauras en qui tu as cru. Alors maintenant, quand il y a n'importe quelle difficulté, tu sauras effectivement que si je l'invoque, il est là. Me suivez, frère. Crois Dieu. Crois Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Et justement, les circonstances, les difficultés, en tant que croyant, les difficultés et les circonstances qui sont devant nos yeux, dans nos vies, ne sont pas là pour nous tuer, quel qu'en soit leur niveau. Il y a des gens qui passent par les dettes où tu vois quelqu'un comme ça, il ne sait pas, il ne peut plus sortir le matin. Pourquoi? Parce qu'il a les dettes. Dieu peut résoudre ces problèmes-là, si tu crois. D'autres, c'est la maladie où le docteur a dit que ici, c'est le dernier. Va préparer, vous appelez quoi, le testimony, le testament. C'est l'homme qui a dit ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Prenez le temps de lire Exode chapitre 23, chapitre 22 et 23. Regardez ce qu'il a dit là-bas quand les Juifs mettraient en pratique la parole. Ce qu'il a dit. Il a dit, il sera l'ennemi de tes ennemis. Donc quand quelqu'un s'élève contre toi, il s'élève contre Dieu. Et Dieu nous a prouvé ça à plusieurs reprises dans la Bible, qu'il est digne de confiance. Le Seigneur Jésus-Christ prend ici, dit, si vous demandez n'importe quoi, vous ne doutez pas, vous croyez que ce qu'il va vous avez demandé arrive, vous le verrez accompli tel que vous avez demandé. Donc, prier sans douter égale avoir la chose sans voir. Prier sans douter égale avoir la chose sans voir. Avoir. Vous possédez la chose sans voir. Il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on passe à la pratique, vraiment. La pratique comme ça. Et vous voyez la chose. Je voulais toucher un domaine, là, le domaine de la possession démoniaque et le domaine de la guérison, maintenant. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Le vrai problème des chrétiens ne se trouve pas dans le premier volet. Là, si vous priez, hein, chacun y bombarde de toutes ses façons. De toutes les énergies. Il y a des stratégies pour bombarder. D'autres prient comme ça en pleurant, en criant. C'est pas le problème là-bas. Tout le monde peut prier d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui peuvent prier sans ouvrir la bouche, mais ils prient véritablement plus que quelqu'un qui crie à tue-tête. C'est le deuxième volet là qui pose problème. Et c'est ce deuxième volet que je veux que nous travaillons, frère. Vous voyez cela? Le deuxième volet dit quoi? 1, 2, 3, les hommes. Vous voyez que vous l'avez reçu. Oui, allons-y. Vous l'avez, et Dieu vous le donnera. Voilà. Voilà. Donc le deuxième volet, c'est ça le qui pose problème. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Ça, c'est clair qu'on demande chaque jour à Dieu. Oh Seigneur, aide mon Père. Oh Seigneur, donne-moi que je... Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur. Tout le monde prie, ça pas vrai? C'est le deuxième volet qui cause problème à nous chrétiens. C'est croire qu'on l'a reçu. Ça le problème pas vrai, frère? Croire que l'on l'a reçu. Une situation, un test pour savoir que vous n'avez pas cru que vous avez reçu, c'est quand vous vous plaignez encore de la même situation la prochaine fois. Voici, c'est aussi simple que possible. Je vais prendre un exemple simple, n'est-ce pas? Vous avez une difficulté que vous allez résoudre demain matin. Le matin, vous priez. Vous finissez de prier, Seigneur. On prend quel exemple là maintenant? Peut-être que vous avez une maladie ou un enfant qui est malade. Seigneur, oh, je te présente la situation de ma fille, de mon enfant qui est malade. Je prie, Père, que tu la guéris. Normalement, c'est merci, Seigneur, parce que tu as exaucé ma prière. Et par conséquent, c'est merci qu'elle est guérie. La fille se tenait debout. Ah, tu venais de prier. 2 minutes après, elle se couche plutôt. Tu dis, hey! Pas tomber là, la chaise là, ça t'a glissé. Faut mettre, prendre l'une là, tu mets dans l'autre. La situation s'empire davantage. On dit, comment va l'enfant là? Souviens-toi. La Bible déclare que si vous priez, tout ce que vous avez prié, vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu. Là, par la suite, tout à l'heure, le matin, tu as prié. Là, quelqu'un t'a demandé comment ça va l'enfant. L'enfant est malade. Là, après, tu as prié. Tu demandes, Seigneur, je prie que tu guéris l'enfant. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demandez, je veux la guérison de l'enfant. C'est ça le sujet de prière. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez, ça accomplissé. Ça s'accomplira à l'instant où tu as cru. Maintenant, tu finis de prier, on te dit, au nom de Jésus, Amen. La signature, là, tout le monde connaît. Mais ce n'est pas le problème là-bas. Donc, le sujet de prière n'est pas difficile. Signer ça au nom de Jésus, tout le monde, même en dormant, quelqu'un peut, tu dis au nom de Jésus, là, quelqu'un dans le sommeil va dire Amen. Parce que tout le monde sait signer comme ça. La difficulté, c'est que tu sois vraiment lucide pour savoir croire sans voir. Alors, après cette prière-là, l'enfant fait, quelqu'un appelle, c'est toi qui prends le téléphone pour me chercher, qui va m'aider. Ceci montre que tu n'as pas cru dès le départ. C'est pour ça que je vous dis que ce sont les témoignages de ma vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent ici à la maison, il n'est même pas en parler. Sur les enfants que vous voyez là. Je suis rentré, il y a cela une ou deux semaines, j'ai dit à mon épouse que cet enfant, si la fille là, elle va tomber malade ici quelques jours. Observez, elle va tomber malade, mais restez tranquille. Ça n'a pas fait 2 jours, elle est tombée malade. Grave là. Je ne sens pas tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, non. Je suis resté là un peu, tu vois, parce que le Seigneur m'a averti qu'elle serait malade. Donc tout ce qu'on a dit de m'alliancer dans le ténèbre, là-bas, je sais quoi la question. La dernière fois, c'était le garçon qui était malade. Vous avez vu, n'est-ce pas? Malade, c'est parce que j'ai un ami qui est entré dans la maison. Il a fait comme ça, 42 degrés. Il a dit non, non, non, non, non, non. Amenons-le à l'hôpital. J'étais calme là, j'étais assis, calme, et observé l'enfant. Alors, 42 degrés. Quand c'est 40 degrés, qu'est-ce que vous faites déjà? Vous commencez à courir. Ah, amenons-le à l'hôpital. Il dit, n'amène pas mon enfant à l'hôpital. Laisse-le là-bas. Comme c'est monté 40 degrés, ça va descendre encore jusqu'à revenir à l'émission. Là, il faut avoir le cœur, il faut savoir où tu as accroché ton cœur, il faut savoir ce qui est en train d'arriver. Vous devez savoir cela. Comment l'enfant est en train de mourir là, comme ça, tu restes tranquille. Comment tu peux être tranquille? Imaginez comment vous pouvez faire. Alors, ce qu'il veut savoir, c'est, est-ce que quand on prie, vous dites, vous parlez, Seigneur, il te soumet telle chose. Nous sommes, voici un jour, par exemple, jeudi, vous dites, Seigneur, je sors le matin. Ô Père, je prie que tu contrôles ma journée. Que tout ce qui va arriver aujourd'hui soit ta volonté par. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde sait faire ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Les clients ne viennent pas. Tu dis, c'est quelle maudite journée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'il contrôle ta journée. Et tu es en train de l'insulter maintenant qu'il a donné la malédiction dans ta. Parce que le client n'est pas venu comme tu veux. Donc ça veut dire que tu veux être Dieu de ta propre vie. Puisque tu as dit, contrôle ma journée. Que tout ce qui va m'arriver aujourd'hui soit que ta volonté par. Parfaite. Donc, sa volonté parfaite, qu'à ce moment-là, tu n'es pas des clients. D'après ce que tu as demandé dans la prière. Qu'est-ce qu'on devait plutôt dire? Oh Seigneur, merci. Comme je n'ai pas les clients aujourd'hui. Le problème, c'est que les chrétiens n'aiment pas dire merci quand c'est mauvais. Pourtant, la Bible nous recommande dans ces Hébreux, Ésaïe chapitre 5, verset 20, que c'est à votre égard la volonté de Dieu que vous dites merci, même si c'est mauvais. Ah ah! Vous voyez le prédicateur là, non? C'est en toute chose. Donc, même si c'est mauvais, il faut dire quoi? Merci. Alors quand je dis, oh Seigneur, je sors maintenant sous ta conduite, dirige mes pas. Parce que la Bible déclare clairement, dans Jérémie chapitre 10, verset 23, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Donc quand tu marches tes pas, ce n'est pas toi de diriger. Alors je me soumets entre les mains du Seigneur. Quand je sors là, n'importe quoi arrive. Ah frère, faites confiance, essaie, dis à ton voisin, essaie de faire confiance. Parce qu'on s'attend à ce qu'en tant qu'être humain, je peux comprendre cela, en tant qu'être humain, que si on prie Dieu, que tout aille bien. Non, non, non, non, non, non. La Bible n'a pas dit ça. Il a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de là, je ne crains aucun. On n'a pas dit tous les jours de ma vie, je ne crains aucun, mais on a dit, je traverse. Où? C'est là où je ne veux pas craindre. Parce que s'il n'y a rien à craindre, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Tu dois avoir quelque chose à craindre et être confiant lorsqu'il y a quelque chose à craindre. Quand il a dit à José, fortifie-toi, prends courage. Il n'a pas dit à Jésus que Jéricho t'attend là-bas. Non. C'est quand il a révélé, le gars a compris que là-bas, devant, c'est fort. Mais Dieu lui dit seulement que fortifie-toi. Alors, Ésaïe 43. Il y a vraiment quelque chose là. Donc, le chrétien aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un, il a mangé, son ventre est bien plein. Il dit que je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Quand il y a la famille, il chante plus ça. Oh, c'est pas vrai ça. On y va. Ésaïe, le chapitre 43, ça, la page 720 dans ton livre là. 720. Je crois qu'on a même livre. Non, on n'a pas même. Ésaïe, chapitre 43. On y va. Regardez, il y a le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Remarquez très bien. C'est lui qui a créé Israël, qui a créé, formé Jacob. Regardez. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc, il y a une possibilité qu'il traverse où? Les eaux. Oui. Il dit, et les fleuves ne te submergeront point. Il n'a pas dit qu'il va tarir les eaux devant lui, tu vas traverser. Non, il a dit, tu vas traverser. Regardez bien. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras, et la flamme ne t'embrasera. Vous avez vu cela? Donc voici, prenons les deux choses et observons. Dieu donne une promesse ici à quelqu'un que c'est lui qui a créé. Il dit Jacob, Israël. Il dit, c'est moi qui t'ai formé. Mais il dit que si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Nous avons vu effectivement le Seigneur Jésus-Christ être ici dans les eaux avec les disciples. Ça ne les a pas noyés, pas vrai? Mais ils ont frôlé la difficulté, non? Ils ont dit que maître, nous périssons, pas vrai? Nous avons vu le cas de Abednego, Shadrach et Meshach qu'on a lié, jeté dans le feu, non? Le feu n'a pas disparu, le feu était là, hein? On les a quand même jetés à l'intérieur. Donc, Dieu veut dire, même si tu es à l'intérieur là-bas, je suis ton Dieu. Donc, les situations difficiles peuvent arriver dans ta vie au point où tu ne sais même plus dans quelle direction ce point. C'est dans les moments difficiles comme ça que Dieu parle le plus à l'être humain. Le Dieu que je sais là, le Dieu de la Bible. Ce qu'il dit, quand vous avez, vous regardez à gauche, il n'y a pas de solution. À gauche, vous regardez qu'il y a des difficultés. Dieu est en train de vouloir te parler dans les difficultés. C'est ce que Dieu veut faire. N'importe quelle situation où tu passes, où l'être humain est incapable de résoudre, c'est dans cela que Dieu aime se manifester le plus puissamment pour que tu saches que c'est lui. Mais, comme nous n'avons pas confiance en lui, nous cherchons les bras de chair. Si seulement on peut comprendre ceci, le silence du Seigneur est le moyen par lequel il travaille dans les difficultés pour affirmer notre foi. Si on pouvait comprendre ces choses-là, on n'en serait pas en train de murmurer plusieurs fois. Bon, prenons l'exemple du cas de Jésus. Il est dans la barque avec les disciples. Il est en train de dormir. La barque va se noyer. Maître, nous périssons. Waouh, waouh, waouh. Tu cries là-bas, ça résout le problème. Quand on crie comme ça, ça devient le gilet papal. Le gilet, vous appelez le gilet de sauvetage. Quand tu cries comme ça, ça fait que la tempête cesse. C'est la foi qui fait cesser les tempêtes. Abednego Shadrach, dans ce livre de Daniel, quand on les a liés avec le calisson, on a dit qu'on a multiplié le feu, ça a chauffé 7 fois. Les personnes qui venaient les jeter dans le feu, ça, le feu les a brûlés. Ils sont tombés dans le feu. La Bible déclare que même le calisson, même les cheveux n'avaient pas été souillés par la fumée. Pas vrai? Ok. Tu dis que waouh, waouh, waouh, le feu. Comme on vous a dit, enseigné dans les églises, là, que confesser que je suis à terre et non en haut. C'est que le feu va diluer ta confession là et toi, là, à l'intérieur, vous allez fondre. Qu'est-ce qui a fait leur difficulté, leur réussite là-bas? La confiance qu'ils avaient en Dieu. Parce que Dieu a promis que tu es dans le feu, ça ne peut pas te brûler. Voilà la seule. Donc, on peut avoir ce Dieu-là digne de confiance en lui. Parce qu'il a promis. On a vu un exemple dans la Bible. Pas vrai? On a vu le cas de l'apôtre Paul qui est dans Actes chapitre 28 où on l'a emmené à Rome. Dieu est venu, l'ange est venu dans la nuit, lui dit, écoutez, pour vous comprenez qui il est. L'ange est venu dans la nuit que cette cargaison va échouer sur une île. Donc, mais je te donne tous ceux qui sont dans cette barque-ci. L'ange n'est pas venu dans la nuit là-bas. L'ange pouvait venir là-bas, le faire disparaître là-bas. Puis c'est un prisonnier. Et les personnes qui sont à l'intérieur, c'est noyé. Pas vrai? Ça a noyé avec lui là-dedans. Mais l'ange est venu dire, il s'est levé le matin, il a dit que l'ange, un ange du Seigneur que je sais, m'a dit cette nuit-ci qu'on doit seulement perdre, il ne doit perdre aucune de vie, c'est que je restais dans les cargaisons. On a seulement jeté les vies là-bas. Vous avez vu cela? L'ange n'est pas venu l'enlever là-bas dans le bateau, que non, il ne faut pas que ça noie. Eux-mêmes, ils ont nagé pour aller là-bas, dans cette île. Pas vrai, frère? Non, je suis en haut maintenant. Un ange m'a devant de moi, je ne dois pas souffrir. Jésus lui-même, quand on est venu, on l'a d'abord giflé, enlevé les barbes là-bas. C'est pas lui le Dieu. Quand on a lancé comme ça, la main a traversé. Ça a arrivé sur ta genou. Quand on a mis le cron, c'est entré. Et lui déclare que lui, il a souffert comme ça, nous laissant une voie pour que nous suivions ses traces. D'accord, frère? Ok. Il n'y a pas de foi donc sans difficulté. C'est ça le vrai problème. La foi, pour que la foi existe, il faut qu'il y ait des problèmes. Nommer n'importe quel problème. Pour que la foi là existe, il faut qu'il y ait des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de foi. Parce que la foi vient pour confronter les réalités, pour manifester la vérité derrière les réalités et les oppositions de notre vie. Remarquez, Abednego Shadrach, ils se trouvent là-bas, la réalité devant eux. La réalité, c'est qu'ils ont deux choix. Soit ils se prosternent devant le roi, on les laisse tranquilles. Et là, ça ne dérange personne, ni vu ni connu. Ou bien ils tiennent ferme le feu là. Et là, vous ne voyez pas Dieu. La seule paramètre de l'équation que vous ne maîtrisez pas, c'est Dieu. Vous ne maîtrisez pas s'il va vous laisser brûler. Vous ne vous a pas donné l'assurance que vrai, vrai, il sera là. Et le feu fait mal, frère. Il y a des gens qu'on a guillotinés. On a coupé la tête des gens qu'on a mangés au lion. Il n'a pas délivré. Il les a laissés qu'on les mange. L'Apocalypse, regardez. Vous voyez ce que ça nous dit. Chapitre 6 d'Apocalypse. Il prend toujours un endroit pour que vous voyez. On y va. Apocalypse chapitre 6. Il veut dire à partir du verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Écoutez très attentivement. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a des gens qui sont déjà morts, ils sont là-bas. Dieu lui dit que non, reste tranquille. Il y a encore d'autres personnes qu'on va tuer. Donc certaines personnes tuées sur la tête, tu ne sais pas qu'on va se mentir tuer à cause de Jésus. On dit d'abord que restez tranquille. Non, on n'est pas encore suffisant. C'est Dieu ça. Donc on va t'attraper un dessin, tu vois, quelque part, tu vas en fait pas. Tu dis, Seigneur, Dieu, le Dieu de lui qui ne répond pas le feu, il dit, oh, c'est pas le feu, c'est le silence. Qu'est-ce que tu vas faire? Le problème, c'est qu'il ne dit pas dans le programme que tu vas mourir que pas comme ça. Et c'est lui qui dit ici que certaines personnes vont venir. Fais-tu Dieu parmi les frères. Tu es prêt? La foi donc doit se manifester, c'est au travers des problèmes que la foi se manifeste. Pour d'autres personnes, c'est des difficultés. Pour d'autres personnes, vous voyez quelqu'un s'assoit comme ça, il a mis deux mains comme ça. Ses regards sont jetés comme ça dans l'infini. Tu entends quelqu'un dire que je suis moi venu accompagner les gens sur la terre. J'ai la face du maquereau. Quand il met mes dossiers, j'ai le sang du maquereau. Le maquereau, même si je sèche, tu vois, tu vois, le maquereau sert toujours dans la sauce. Bon, mais de toute façon, ce qu'il veut dire, c'est que les inquiétudes, c'est ça. Il vous dit, c'est le tableau de ma vie. Les inquiétudes ne serviront à rien. Vous appelez les soucis, j'ai les soucis, parce que les nerfs m'arrêtent. J'ai les nerfs, j'ai réfléchi trop. Tu réfléchis plus que qui? Tu vas avoir des problèmes, essaie de résoudre le problème. Quand tu résous, un problème résolu est un paramètre pour un prochain problème qui va recommencer. Vous ne pouvez pas résoudre un problème jusqu'à ce que vous finissez. Donc la seule chose à faire, c'est comme la Bible a dit, c'est décharger vos soucis de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pour ça que quand il dort, je dors. Si on fait waouh, j'ai mon voisin ici, n'est-ce pas celui-ci, il est pasteur. Voilà ma voiture qui dort dehors depuis plus d'un an. Ça ne se ferme pas. Sa voiture se ferme. Il y a la lame, lui, il entre. Je lui dis, mais garde ta voiture là dehors. Il dit que je n'ai pas ma foi, n'est pas comme toi. Il est pasteur. Il dit, voilà ma voiture, ça ne se ferme. Vous allez là dehors, vous allez vous ouvrez. Ça va s'ouvrir. La radio, vous appelez, c'est que vous savez, l'électeur radio, c'est là dedans. Si on veut voler, qu'on vole frère. C'est là dehors, ça dort là-bas. Je n'entrerai pas avec cela. Que ça reste là dehors. Que ça ne se ferme pas. Ça fait plus d'un an, c'est là. Tu vas fuir jusqu'à quand? On n'a pas vu les gens que les bandits sont entrés dans la maison avec la barrière. Alors si c'est dehors, quand c'est même comme ça, le bandit dit que mais c'est même, vous êtes sûr que ce n'est pas le piège? Comment c'est facile comme ça? Le démon, il fuit. Alors, fuir ou bien avoir les difficultés, dire, oh, qu'est-ce qu'il veut faire? Ok, s'il n'y a pas, tu fais quoi? C'est pour ça que vous voyez les gens, fait la lettre de démission de vie. Il dit que je suis désolé. La vie est injuste. C'est pas la vie qui est injuste, c'est eux qui ne comprennent pas la vie. Alors ils disent que non, mieux je me supprime. Quand il va mettre la corde, il se supprime. Le premier est supprimé. Quand il traverse dans l'autre domaine, c'est là qu'il comprend maintenant que j'aurais aimé être là-bas derrière pour résoudre mes propos, avoir confiance en Dieu. Vous qui êtes vivant, faites confiance au Seigneur Jésus. Faites-lui confiance, quelles qu'en soient les difficultés. Un, il vous a fait venir dans le monde si personne n'a nous reçu. Personne de nous qui nous sommes ici. Tu as décidé de venir sur la terre. Qui a décidé? Et quand ça ne va pas, tu dis que je sais qu'il y a un créateur, donc c'est lui qui t'a créé. S'il t'a créé, il a un but pour lequel il t'a créé. Il t'a créé sans te demander. Il t'a mis dans ta famille sans te demander. Choisis ton sexe sans te demander. Mais maintenant, quand tu grandis et sages, tu veux choisir maintenant ta propre vie. C'est là où le vrai problème se trouve. Le problème se trouve en réalité dans notre vie où on ne veut pas laisser le Créateur continuer avec sa créature, ce qu'il a voulu. C'est là où le vrai problème se trouve. C'est pas vous me comprenez. Remarquez bien. Remarquez, quand les enfants grandissent, les enfants vous disent, je l'emmène à l'école primaire n'importe où. Chaque chose, c'est que vous voyez, ce que nous avons avec contre Dieu, là, c'est ce que nous retrouvons dans nos foyers. L'enfant grandit, tu achètes le bonbon, c'est toi qui décides la qualité des bonbons que tu achètes à l'enfant. C'est toi qui décides la qualité des jouets, la qualité des chaussures. L'enfant ne décide pas jusqu'au jour où il grandit. Quand il commence à voir, à être éclairé, tu avais que je dis qu'il ne veut pas cela. Un jour, il décide qu'il ne va pas dormir dehors avec ses amis. Un jour, tu vois, bon. Toi-même, tu t'assois avec ta femme sur le lit, tu comprends que tu vois l'enfant là, il a grandi. Avec ta femme, tu causes comme ça. Quand tu causes comme ça, sache que c'est comme ça que Dieu aussi décide en haut. Il dit que ça veut dire qu'il faut qu'on commence à le contrôler maintenant, lui donner le conseil. On va, ne viens plus ici tard, maintenant, ça ne marche pas, tu changes de plan, ça ne marche pas, tu fermes la porte, tu fermes ici, ça ne marche pas. Et après, tu entends, on lui enseigne à l'école que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc, il s'est déconnecté de toi. Tu commences à comprendre que l'affaire là, tu as perdu l'enfant. Or, pourtant, quand il était sous toi, que c'est toi qui guidais, tout allait bien. C'est comme ça l'être humain avec le Créateur. Quand tu es innocent, Dieu te guide, Dieu te guide. Quand on commence à lire la Bible maintenant, tu entends maintenant, quand tu ne comprends pas bien, tu commences à croire que tu es important. Et ok, tu es important, hein. Il reste tranquille. Tu cries, oh Seigneur, tu es où? Il te guide comme ça, là, parce que tu as cru que tu étais libre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, c'est comme l'enfant. On doit devenir comme l'enfant pour pouvoir entrer. Parce que l'enfant qui est dépendant totalement du père, des parents. Il fait confiance totalement aux parents. Là, maintenant, le parent peut prendre soin. Mais tout enfant qui est réveillé à son parent va avoir chaque fois le chagrin. Pas vrai? il y aura toujours des frictions parce que l'enfant ne se soumet pas à le parent. Et par conséquent, le parent va toujours prendre les décisions. On va amener un enfant, okay, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il dit que d'abord, si vous voulez le tuer, tuez-le, c'est pas mon enfant, tu fermes la porte. L'enfant crie, oh père, très souvent, comme Dieu est miséricordieux, il nous fait encore entrer, comme nous faisons aussi avec nos enfants. Donc le problème, c'est situé, le problème de notre foi là, c'est situé au moment où nos yeux s'ouvrent, nous connaissons le bien et le mal. C'est là où on est. Remarquez bien, c'est ce qui se passe dans la Genèse. Quand l'homme était innocent, est-ce avait-il des problèmes? Dieu avait des problèmes avec lui. Quand ses yeux se sont ouverts, ils ont commencé à avoir des problèmes. C'est comme ça. Si elle fait comme ça, si elle fait comme ça. Tu es dans le monde. Tu ne connais pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Il y a l'accident, Dieu te rend des livres. Maintenant, quand tu grandis, tu es en crise. Maintenant, tu dis comment dire maintenant que j'envoie le feu sur les accidents. L'autre là qui était, tu avais envoyé le feu sur ça. Pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu que le Seigneur sera mon Dieu au départ et à l'arrivée. Vous voyez? Maintenant, quand on commence à comprendre quelque chose de Dieu, on commence à croire que c'est par notre force que nous faisons quelque chose pour Dieu. Soyons seulement simples comme les enfants et observons Dieu à l'œuvre. Alors donc, quand l'homme n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence avec les... il faut que je fasse comme ça pour que Dieu me dise. On commence à faire le plan avec Dieu. Ne sachant pas quand tu fais le plan, Dieu connaît exactement plus que toi. Et on s'assoit comme ça, on dit, si Dieu ne me donne pas telle chose, il ne fait pas telle chose. Pourtant, il a toujours donné les choses avant que tu le connaisses même. Les gens qui réussissent, d'autres réussissent, ils ne savent pas comment Dieu ne les conduit seulement. Le jour où tu es en contact avec Dieu, il reste tranquille pour voir comment tu vas faire. Donc, commence à être indépendant de Dieu. C'est notre indépendance de Dieu qui fait le temps, c'est qu'on a du mal à croire en lui plus tard. Parce qu'on sait qu'on a quitté Dieu. C'est notre indépendance. Quand on sait qu'on est indépendant, le jour qu'il y a problème, on sait effectivement, vous savez que Dieu, on ne peut pas le flatter. On commence à trouver des méthodes même pour venir vers Dieu. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source. Bien que ce n'est pas vrai, parce que le reflet des chants dit ça. Où est ça, frère? Donc, cultivons la relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que ces versets, c'est le deuxième volet. Et que s'il croit que tout ce qu'il a demandé, il a. Si vous ne, tant que vous n'avez pas de relation intime avec le Seigneur, ce sera difficile que ce deuxième volet s'y s'accomplit. Il dit, s'il doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Comment tu vas croire que tu vas parvenir à croire que ce que tu as dit arrive si tu n'as pas l'assurance avec celui-là? Et pour avoir l'assurance avec lui, c'est que tu sais qu'il ne te déçoit pas, qu'il ne t'a jamais déçu. Donc, il faut avoir d'abord un contact avec lui. Donc, pour pouvoir croire que ce que je dis arrive, il faut avoir l'assurance avec qui tu as cru. Abednego Shadrach savait en qui ils avaient cru. C'est pour cela qu'ils pouvaient tenir. Ils n'étaient pas les seuls juifs là-bas. Tous les juifs là-bas qui étaient déportés là-bas, c'était des juifs qui suivaient la religion chaque fois, qui connaissaient le vrai Dieu, pas vrai? Mais avant qu'on ait dit poum poum poum, maf, tout le monde était avec le genou déjà par terre, pas vrai? Pourquoi ils n'ont pas pu tenir? Parce qu'ils suivaient Dieu à la lettre. Celui qui suit Dieu à la lettre, comme les scribes, n'aura pas feu avec Satan lorsque les difficultés vont venir. Il faudra cultiver la relation avec le Seigneur. N'aie pas aimé le Seigneur à cause du matériel. Savoir dans ton esprit qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, Dieu peut permettre que les difficultés viennent dans notre vie. Il peut permettre que les difficultés viennent dans nos vies. Et ces difficultés sont destinées à croire davantage en lui. À éprouver la foi. À éprouver la foi. C'est ce que la Bible enseigne dans 1 Pierre. Notez également cela dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Notez chapitre 1, verset 3 et suivant. Et Jacques chapitre 1, verset 3 à 8. D'accord, frère? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, vraiment. Maintenant, Jacques chapitre 1, verset 3 à 8. On y va. Alors maintenant, je pose la question. Nous sommes malades aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cela? Maintenant, attends, permettez-moi de lire le verset 24 de ce Marc chapitre 11. Regardez. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 1. On prie. 2. On croit qu'on l'a. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on a obtenu. C'est pour ça qu'on peut dire merci. C'est pour ça qu'on peut dire merci. En sortant de la prière, je dis merci. Il demande, supposons que c'est une voiture qu'il demande. Après avoir prié, il dit merci Seigneur pour la voiture que j'ai demandée. Parce que je l'ai. Parce que je l'ai. Lendemain, ta voiture que tu avais dit, c'est où? Il dit que je l'ai. C'est où? Je l'ai. on va aller dire quelque part que c'est sûr que le gars l'a déréglé. Le jour qu'on te voit passer avec la voiture, tu dis, mais c'est sûr qu'il avait caché ça quelque part. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais vous devez marcher en relation telle que l'Écriture a dit. Il dit, vous demandez, vous croyez et vous le verrez. Crois d'abord avant de voir, pas voir avant de croire. Voir avant de croire n'est pas la foi. C'est la preuve scientifique. C'est pour ça que les scientifiques aiment ce qui voient, ce qui est palpable, ce qui est prouvable. Il y a des choses que vous n'allez jamais prouver sur la terre avant de quitter, même si vous voulez le faire. Pourtant, c'est là. On ne peut pas prouver le vent. Mais le vent, est-ce que vous voyez le vent? Vous voyez ses effets? Vous ne pouvez pas voir l'esprit, mais pourtant, c'est là. Vous voyez ça, frère? Vous ne pouvez pas prouver. Continuez sur verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le Seigneur Jésus vient de mettre parce qu'il est dans la même lancée. Nous sommes dans Marc là. En Marc 11 que nous lisions tout à l'heure. Le Seigneur Jésus vient de mettre là une étroite relation entre la prière, l'exaucement à la prière et le pardon. Le problème entre les hommes. Donc Dieu veut dire par là, dit que si vous voulez prier, vous avez quelque chose contre quelqu'un, oubliez l'affaire. Si vous ne pardonnez pas, oubliez, n'allez même pas prier. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il vient de dire que l'un des principaux obstacles à nos prières, c'est le manque de pardon. C'est ce qu'il a de dire. Et donc, on ne peut pas déjouer Dieu. Soit tu dis, je l'ai pardonné, que dans ton cœur, tu ne l'as pas pardonné. Tu ne peux pas bavarder, tu ne peux pas bavarder longtemps, ça ne marchera pas. Donc, il faut pardonner. Donc, première chose, avant qu'il ne pas prier, je vérifie que je n'ai pas quelque chose contre quelqu'un sur mon cœur. Si je n'ai pas, j'avance. Je vérifie que j'ai cru. Si je n'ai pas cru de la bonne façon, il faut que je me repente, tout simplement. Ou bien, n'allez plus jamais prier. Amen. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. C'est ce que j'ai donné aujourd'hui. Jean chapitre 14. Il veut que vous voyez cette promesse-là. C'est pour ça qu'il a demandé tout à l'heure là, qu'on a l'histoire de Dieu a fait. On a l'histoire de Dieu est en train de. Dieu va faire telle chose. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? En fait, la question que j'en ai posée sur les deux volets que j'ai dit tout à l'heure, on va travailler la position démoniaque et la guérison et le problème de maladie. Qu'est-ce que nous avons la maladie aujourd'hui? Nous avons la question posée. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'Écriture dit? N'a-t-il pas dit, je vous donne le pouvoir, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront telle chose. Qu'est-ce qui est le problème? Avançons là maintenant, vous allez voir des choses terribles. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Regardez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut, en clair, pour qu'on comprenne ce soir, qu'il y a des choses en stock pour nous. On a un privilège, un droit légal pour demander quelque chose à Dieu et qu'il le fasse pour que son nom soit glorifié. Je vous dis, il y a seulement des choses qu'il ne peut pas vous déclarer, je vous le dis. Ce n'est même pas permis seulement de dire. Ce n'est pas le moment. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ceci n'a pas été bien compris au point où on fait un peu comme au nom de Jésus, ça ne marche pas. Au nom de Jésus, ça ne marche pas. Ce n'est pas que le nom de Jésus n'a pas cessé de fonctionner. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que Dieu veut se glorifier sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme dans le ciel, Dieu veut que ça se passe. C'est le Seigneur qui a dit cela. Puis il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous sommes d'accord? Soit vous lisez cette Bible, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais moi, je l'ai expérimenté et ça marche. Soit vous lisez tout simplement comme ça en disant que Jésus-Christ est bon. Soit vous lisez, vous pensez que c'est comme ça que Dieu fait, ou bien qu'il a dit ça, ou bien il a dit ça pour les gens longtemps avant, ou bien après Dieu va faire, pas maintenant. Vous pensez qu'il fait peut le faire maintenant? Vous pensez que si quelqu'un est malade, on prie pour lui maintenant, il peut guérir. Je suis de vous emmener quelque part parce qu'il y a des choses terribles qui arrivent. Donc, regardez. Chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, vous avez vu maintenant, il commence à ajouter les conditions sur ça. Parce que si quelqu'un lit ici comme ça, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai au verset 13 du chapitre 14. On croit que c'est tout le monde qui a le droit de demeurer, de demander pour qu'il le fasse. Vous avez vu n'est-ce pas? Maintenant, au chapitre 15, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. J'ai dit, il n'y a pas de parabole ici, là. Ça, ce sont les promesses claires de la Bible. Vous avez vu ça, frère? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez, il vous sera accordé. On comprend là. Chapitre 18 de Matthieu. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. Je vous ai donné Matthieu chapitre 18. Donc il faut croire Dieu. Les circonstances ne doivent pas vous faire douter de Dieu. Les circonstances mauvaises que nous expérimentons doivent plutôt nous conduire à dire ok, maintenant, cette circonstance mauvaise qui. Souvenez-vous, chacun a ses mauvaises circonstances. Pour les uns, c'est la maladie. Pour les autres, c'est les difficultés financières. Pour les autres, c'est le désordre familial. Pour les autres, c'est le cas de maladie, le cas de mort. Quelles qu'en soient les circonstances qui peuvent être autour de nous, nous devons savoir que 1. Nous ne contrôlons aucune circonstance. 2. Rien n'arrive par notre volonté. Là, c'est l'avantage, chapitre 3, où je vous ai donné. La Bible déclare pourquoi l'homme vivant se plaignait de ses propres péchés. Matthieu, chapitre 18, là. L'homme vivant se plaignait pour son sort, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que arrive-t-il quelque chose sur la terre, les mots sur la terre, sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est lui qui ordonne toutes choses. Il vient toutes choses. Matthieu chapitre 18. Il vous a dit aujourd'hui, verset 19 et 20, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, c'est chaque fois c'est lui qui parle. Hein? Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous avez vu ça, frère? C'est pour cela que Satan fait tout pour gâter les couples. Pour que le couple ne soit pas en harmonie. Sachant que si c'est maître, parce qu'il y a, s'il y a l'accord, un endroit, il y a l'accord, normalement. Parce que les gens regardent dans la même direction, c'est dans le foyer. Ça, Satan frappe un peu la femme, c'est cool. Pourquoi on ne frappe pas? Je vous le dis. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Vous vous souvenez dans 1 Pierre chapitre 3, quand l'apôtre Paul vient de parler du mari et de la femme, il dit que faites cela afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Satan connaît que la femme et l'homme qui prient. C'est terrible. Verset 20, maintenant, le Seigneur donne cette merveilleuse promesse. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frère, pensez-vous que le Seigneur est ici au milieu de nous? Vous y croyez? Alors, c'est vrai que nous sommes dans les mêmes circonstances qu'il a dit. Que si on s'accorde, on demande, il va donner. Je ne sais pas quel est votre état. Chapitre 21. Tout ce que je suis en train de faire, c'est la construction de quelque chose. La construction, tout simplement. Chapitre 21. Je vais lire le verset 22, ça me dit quoi? Aujourd'hui, je vais vous donner le verset 18 à 22. Regardez le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Je suis dans Matthieu chapitre 21. Je suis en train de lire le verset 22. Je veux que vous voyez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous. Vous avez vu ça, frère? N'est-ce pas merveilleux ça? En fait, à moi, soit vous lisez la Bible comme ça, vous jetez la Bible, ou bien vous lisez la Bible seulement par routine. Vous voulez être sur les scribes ou bien comme ayant l'autorité. Donc, ça veut dire que vous devez croire ce qui est écrit. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Avez-vous quelque chose sur lequel demander, mes soeurs, mes frères? Vous avez quelque chose? C'est le moment. N'importe quoi. Parce que on a vu, allons dans Hébreu là. De toute façon, on a fait comprendre que les obstacles ne doivent pas nous effrayer. Ça ne doit pas effrayer. Il dit, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Au moment où on demande, quels que soient les obstacles qui nous arrivent, qu'on ne soit pas ébranlé. Le vrai problème avec l'être humain, c'est que, 1, on se fie plutôt aux obstacles parce que les obstacles sont très proches de notre chair. Vous voyez? 2, on n'aime pas les difficultés par nature. 3, on est enclin à croire plus aux difficultés parce qu'on les voit plutôt qu'à Dieu qu'on ne voit pas. Et par conséquent, on se confie à notre propre bras, on veut résoudre nos propres problèmes. Fais confiance en Dieu. Dis à quelqu'un, fais confiance en Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances. Même si ça semble être noir. Même si le médecin dit c'est fini. Dieu ne l'a pas déclaré. Si la science dit c'est impossible. Dieu va effacer le I et le M qui sont devant. Ça va devenir quoi? Possible. Hébreu. Enfin, il a déjà déclaré ici que tout est possible à celui qui. Voix. Voilà. Avec foi. Uh-huh. Je ne suis pas de parler de Jésus qu'on récite dans la Bible, on récite dans l'église. On dit que je prophétise sur toi que ceci va marcher. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de prophétie contre les difficultés. En tout cas, même si tu entres là-bas, on finit de prier. Quand tu rentres à la maison, tu vois que le tabouret apparaît dans ma maison. On voit. Hébreux chapitre 4. On y va. Regardez. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. On y va. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, vous dites que vous avez foi, demeurez-y fermes. Parce que la difficulté va venir pour tester si oui ou non tu crois au Seigneur Jésus. Vous y êtes? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça n'est pas fini. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous simplement. Tout ce que nous avons fait, c'est nous approcher en croyant. Voilà la chose. Dieu, notre grand Dieu, Sauveur Jésus-Christ, a rabaissé la chose au point où chacun peut prendre. Et c'est ça la preuve. Les êtres humains, si le verset disait que pour que quelqu'un soit exaucé devant Dieu, parcourir 100 000 km à pied, les gens vont faire. Et pourtant, 100 000 km est difficile, physiquement parlant. Mais il dit que approchons avec assurance. Ça veut dire que quoi, frère? Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Tout ce que Dieu te fait, c'est dire que Seigneur, je sais que tu le feras. J'accepte que tu le fais. Voilà tout ce qu'il a fait. Pourquoi vous voyez, les gens vont mourir à l'an en fait, tout simplement parce qu'ils ont, ils n'ont pas eu cette petite chose qui dit il faut se croire que Christ a fait à la croix. L'incrédulité. Ça, l'incrédulité. Tous ceux qui ont le problème, c'est lever la main droite. Vous avez le problème, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu, non? Vous avez vu, il dit quel problème? Donc, il y a aussi des problèmes qu'il faut lever la main droite. Des problèmes qu'il ne faut pas lever la main droite. Si tu sais que tu as des problèmes, lève la main. Donc on va voir n'importe quel problème. C'est toi qui as tes problèmes. Mes problèmes ne sont pas vos problèmes. Je vous le dis, pour le moment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, le seul problème que j'ai sur la terre ici, et que je crois que c'est le seul problème que j'aurai, c'est vous, les problèmes. Mon seul vrai problème devant Dieu, qui pleure chaque fois devant Dieu, c'est que Seigneur, je vais voir ton église revêtue de ton autorité. C'est ça, mon vrai problème. Vous avez le problème, maintenant baissez la main. Ce problème, quand vous avez levé la main comme ça là, pendant que vous avez levé la main, votre cœur identifie exactement quel est le problème, pas vrai? De la même façon comme votre cœur identifie le problème, sans qu'aucune des personnes qui soit devant vous soit au courant de ce qu'il en est, sachez que vous venez de montrer comme ça que Seigneur, c'est mon problème. Est-ce que vous avez parlé? Quand tu as levé ta main, subitement tu as su quel est ton problème. Tu as identifié que voici le problème. Tu as venu de parler à Dieu. D'accord? Maintenant, je vais vous amener dans l'autre dimension. Maintenant, c'est là où je vais arriver. La Bible déclare ici, verset 16, approchons-nous. Donc, avec assurance du trône de la grâce. Donc, nous sommes dans l'époque marquée par la grâce. Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On commence par dire en haut que, souvenez-vous que Jésus-Christ lui-même, un grand souverain sacrificateur, a traversé le ciel Jésus. Il a traversé les mêmes difficultés. Mais lui, même les tentations l'ont soumis, il était soumis à cela sans commettre de péché. Il a fait ça en réalité pour vous montrer qu'il est passé par là. Il peut vous comprendre. Il peut nous comprendre. Donc il est assis maintenant à la trône. Quand il a traversé ça, il est venu dans la trône. Il veut dire que venez. N'a-t-il pas dit venez, vous tout ce qui est fatigué et chargé? Quand il dit ça, les gens laissent eux-mêmes comprendre ça. Ils prêchent ça. Même le pasteur prêche ça. Après, il porte ses propres difficultés. Tu vois le pasteur lui-même met la main un jour comme ça. Il ne sait pas comment il veut faire. Alors que celui qui venait prêcher que déchargé sur Jésus. On chante, je prends mes problèmes. Je donne à Dieu, je prends mes soucis, oh, je donne à Dieu, mes difficultés, je donne à Dieu. J'ai chanté Alléluia, Amen, Amen. Hey, sur la croix de Golgotha, il a payé, sur la croix de Golgotha, il a payé. Pour les maladies pour moi, oh, il a payé, pour les maladies pour moi, il a payé. Satan dit, ok, il n'y a pas de problème. Lendemain, bam, les mots de vente. Aïe, ma soeur, c'est quoi? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il a payé. C'est ça dont il est question. Je ne sais pas comment vous me saisissez. La foi, il ne s'agit pas de confesser. Il s'agit d'accepter et de croire ce qui est arrivé nonobstant les circonstances. C'est ça la foi. D'accord? Alors, vous avez des problèmes. Vous avez levé la main droite, ne disant pas votre problème sans qu'aucun être médecin, mais celui qui lit les pensées de cœur a identifié votre problème, n'est-ce pas? Maintenant, je veux nous amener au niveau de approchons-nous. Là, dit comme ça, s'approche. Donc ce soir, si toi et moi, nous pouvons seulement s'approcher de ce trône-là, et ce trône-là n'est pas loin, il est là parce qu'il est présent, parce qu'il a dit que, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ici, il ne s'agit pas de bavarder, que Seigneur, je crois. Parce que si vous bavardez, sachez, dites que vous y croyez. Vous allez dire, je dis que je crois parce que j'ai dit. Si vous ne parvenez pas à croire, dites Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est ce qu'un type a dit là dans la Bible. Allons dans Matthieu 17. Regardons-le. Matthieu chapitre 17. Ce n'est pas un péché de dire Seigneur, viens au secours de moi. Si vous ne croyez pas, hein, dites que Seigneur, je ne parviens pas à croire. Fais-moi croire comme tu veux. Vous comprenez, mes chers? Et regardez là. Matthieu chapitre 17, verset 14. Regardez. Lorsqu'il fut arrivé, je dis juste dans Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race quoi? Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Vous avez ça? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Prenons cet exemple des lunatiques. Quand c'est chez nous ici aujourd'hui, l'être humain, tout ce qu'il peut faire, c'est amener à l'hôpital Jamo, au centre psychiatrique. Chez les blancs, les enfants, dans les enclos de fou, on dit qu'il y a les illusions. Pourtant, c'est un démon. Parce que dans la terminologie des médicales modernes, il n'y a pas de démon. On va injecter les sédatifs là-bas pour le faire dormir chaque fois que le démon dort bien dans son corps. Voilà comment les êtres humains souffrent. Il était lunatique. La Bible déclare que Jésus parla sévèrement au démon qui était en lui. Donc c'est le démon qui le poussait à être lunatique. Il pouvait tomber. Vous allez voir les êtres humains qui sont tombés dans le feu, ça a brûlé un côté. S'il tombe dans l'eau, ça brûle, il ne peut pas faire comment? Parce que le démon l'a endormi. Mais il regarde quand il se lève là, quand il est conscient, il souffre. C'est un démon qui fait ça. Des gens donc qui ont une partie du corps paralysée à cause de cela. Maintenant, regardez bien. Verset 19. Regardez. Jésus parla sévèrement au démon et le démon sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui firent cette question. Vous avez vu cela? Allons dans le livre de Marc d'abord, voir la même situation si là-bas. Regardez. Marc chapitre 9. Avant, ou bien Luc chapitre 9 aussi. Je vais vous montrer seulement quelque chose. Voilà, on y va. Donc, en fait, c'est parce que dans Matthieu, on a raconté cela, mais il y a une partie que Matthieu n'a pas raconté. Allons dans la même situation, la même histoire, c'est dans le livre de Marc, chapitre 9. Là, parce que c'est ce qu'il voulait faire ressortir pour que vous voyez. Marc, chapitre 9, lisons à partir du verset 14, toujours. Verset 14, on y va. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Vous avez vu ça? « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Vous avez vu comment les êtres humains sont? Verset suivant, 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Écoutez très attentivement. Depuis son enfance, répondit-il. Vous imaginez comment il a souffert? Comment cette personne s'est souffert, cet enfant? Il y a des gens comme ça qui ont des enfants qui souffrent dans la maison. Quelqu'un naît, il n'a jamais de bonheur. Ce n'est pas le moment. Avançons-nous ici, regardez bien. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Maintenant, regardez bien. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Vous avez vu ça? Regarde comment un être humain se trouve là, le Créateur, il demande si le Créateur peut. C'est pour ça que j'en prends ça parce qu'il t'en a dit que si vous ne parvenez pas à croire, dites Seigneur. Regardez bien ce qu'il va dire. Jésus lui répondit quoi? En fait, Jésus est surpris ici. Il vient voir Jésus, il dit, si tu peux. Donc, il croit que Jésus est un endroit où on va aussi essayer. Jésus dit, si tu peux, si tu... C'est comme ça que c'est écrit là. Si tu peux, Jésus est surpris de quelqu'un comme ça. Si vous lisez au chapitre 1, chapitre 1, verset 45 et suivant, vous allez voir un lépreux qui est venu voir Jésus. Il dit, maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus l'a regardé, vous avez dit que je le veux, sois pur. Il a tendu la main, ça c'est purifié. Il dit, parce que si Jésus veut, il va le faire. S'il veut n'importe quoi, il va le faire, parce que tout est possible. Il est Dieu. Celui-ci vient dire que si tu peux. Donc il y a quelque chose qui peut dépasser Dieu. Il dit, si tu peux, regardez ce que le Seigneur va lui dire. Il dit, Jésus dit, si tu peux, après il dit, tout est possible à celui qui croit. En fait, on se trouve devant une situation que nous retrouvons ce soir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ reste tranquille. Cet homme-là vient rencontrer Jésus. Il dit, mon fils, si il est lunatique, il est mieux, l'esprit l'a trouvé agité au champ. Mais si tu peux, je l'ai amené chez les disciples, ils n'ont pas pu. Mais si tu peux. Donc, comme tes disciples n'ont pas pu, là, si tu peux. Donc, on ne sait jamais, peut-être toi-même, tu peux rater. Jésus lui a renvoyé le problème, que c'est en fait, le problème n'est pas lui, mais c'est toi. C'est celui qui en a parlé qui est le problème. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il veut lui dire que ce n'est pas lui le problème, c'est toi qui es le problème. Et alors, l'homme va comprendre l'interjection du Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, après cela, il dit le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est celui qui veut qui peut croire. Regardez bien. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Il s'est dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus venait lui dire, c'est toi qui es incrédule. Donc, s'il y a problème, c'est toi de ton côté, pas de son côté. Donc, si nous prions, ça ne marche pas, le problème se trouve de notre côté. Alors, si nous ne pouvons pas croire comme il faut, disons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. C'est-à-dire que quoi? Que la miséricorde de Dieu passe pour nous. C'est pour ça qu'il a parlé de ces Hébreux, chapitre 4, verset 16, de s'approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour être secouru. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu couvre tout ce que nous avons fait, Dieu tout, regarde toute notre bassesse, toutes ces choses-là, pour traverser au-dessus là, pour se manifester. Vous suivez, frère? Je vous ai également donné aujourd'hui Luc chapitre 13, le verset 10 et suivant, jusqu'au verset 18, n'est-ce pas? Dans ce Luc chapitre 13, il est question de la femme, une femme qui est tenue captive pendant 18 ans par Satan. Elle s'est trouvée dans la synagogue. Elle avait une boule, c'était une femme qui était courbée. Vous voyez, des personnes marchaient avec des personnes, vous voyez, les personnes sont courbées. Je dis, mais qu'est-ce que est arrivé à que ces personnes soient courbées? Vous voyez, des personnes, c'est là, le cou qui est gonflé comme ça. Vous voyez, des personnes, c'est comme ça, le goâle. Vous dites, qu'est-ce que ces personnes? Vous voyez, ça, si ça ne vous fait pas mal, vous avez un problème. Et là, c'était un démon qui habitait son cœur, sur son corps. Disons ça en dernier lieu, et puis on arrête là. Luc chapitre 10, 13. Luc le chapitre 13. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. Voilà. Verset 10 et suivant. Souvenez-vous que vous avez levé votre main parce que votre main est toujours debout. Votre main droite est toujours debout. Luc chapitre 13. Alors le Seigneur Jésus fait guérir les gens. Le Seigneur Jésus veut guérir. Le Seigneur veut guérir. La puissance du Seigneur Jésus est disponible. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Tu n'as pas encore trouvé là, mon frère? Matthieu, Marc, Luc. Après Marc, c'est Luc là. 13. Chapitre 13. Verset 10 et suivant. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous avez vu comment les êtres humains souffrent? Dans l'église, c'est aujourd'hui comme ça. Nous avons vu, quand nous avons commencé à lire dans Marc chapitre 1, nous avons vu que c'est la même situation qui s'est positionnée. Un homme était là, le jour où Jésus est entré dans la synagogue pour lire, il y avait un homme qui avait un esprit. Voici encore un autre. Donc, ils sont possédés. On est comme ça, dans l'église, possédés. On est en difficulté comme ça là et le Seigneur Jésus veut en faire son entrée. On y va. Verset 12. Lorsqu'il eut la vie, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Vous avez vu ça, frère? Prions seulement que le Seigneur fasse son entrée dans son église. C'est tout ce qu'il peut faire. S'il fait son entrée dans son église, les gens vont respecter les chrétiens. Alors vous voyez les chrétiens aujourd'hui qui quittent le dimanche, lundi, il est au village pour faire la tradition. Parce que quelqu'un lui a dit que je connais un chrétien qui, on avait dit qu'il n'est pas ouvert à faire la transition, il n'est pas parti. Il est mort comme ça. Il dit, la qualité, si ça peut me prendre. Parce que j'ai prié, je suis allé voir, la personne a mis la main. J'ai bu l'eau bénite, bois l'eau d'onction, n'importe comment, ça n'a pas donné. C'est toujours là, donc il ne faut que pas laver. L'autre rien du village en disant que je suis allé laver mon âme, je suis guéri. Mais je suis à l'église. Vous voyez, il ne sait pas que son âme a été vendue. Satan peut faire n'importe quoi que tu sois confortable dans ton croyance. Alors, tant que le Seigneur ne fait pas son entrée, on va toujours continuer à regarder comme ça. Vous pensez que quelle était la différence entre ces juifs, ceux qui vivaient comme ça, et les mondains? Parce que les mondains devaient avoir les mêmes problèmes, c'est que ceux qui étaient à la synagogue avaient les mêmes problèmes. Mais quand le Dieu de puissance se manifeste, on voit effectivement qu'il y a clairement la différence. Vous voyez ça, frère? C'est pour ça qu'il avait tracé la différence entre eux et les mondains dans ce livre d'Exode, chapitre 22, 23. Il a dit que si vous mettez ma parole en pratique, vous venez ces choses, vous mettez ces choses, il n'y aura pas dans ton pays une femme qui avorte. Vous voyez cela? Il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays. Parce qu'il voulait qu'il respecte son alliance. Pour que les gens voient que pourquoi les Israéliens ne souffrent pas? Pourquoi les choses qui nous arrivent ne les arrivent pas? Mais il a dit, si ces ennemis-là vont venir vers toi par un chemin, ils vont revenir par sept. Mais si tu fais comme eux, quand tu vas aller vers eux par un chemin, c'est toi qui vas rentrer par sept. Donc Dieu va s'atteler à ce que toi qui l'aides pour lui, on te traite bien. Dis à ton voisin, restons fidèles à Dieu. Même si la mort veut te prendre. Reste fidèle à Dieu. Je vous pose une question simple, n'est-ce pas, frère? Vous dites que vous êtes chrétien. On dit qu'il y a une coutume au village que si vous n'allez pas vous laver au village, vous allez mourir. Tu es malade. Tu coutes, tu dis, oh Seigneur, je crois. La maladie ne fait qu'augmenter. Tu rêves même comment ton grand-père qui est derrière moi, tu dis que viens. Quand tu lèves, tu comprends que c'est quoi ça? C'est la mort, non? Tu te lèves, après, c'est toi qui appelle maintenant, amène-moi au village. Mais amène-moi que dans la nuit, on ne me voit pas. Vous allez au village, vous finissez de faire ça, tu sors, évidemment, tu te lèves. Jusqu'à ce que, là, lorsqu'on a fini de faire cette coutume, j'essaie de vous monter un scénario pour que vous compreniez que quelque chose ne va pas. Cet scénario-là, vous vous levez maintenant, vous dites, ah, je suis guéri. En rentrant, tu fais l'accident, tu meurs. Tu te trouves où? Où est là où vous vous trouvez? Hein, frère? Il faut que vous réfléchissiez un seul instant. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut être malade, il meurt, il va au ciel, quelqu'un est guéri. Il meurt, il va en enfer. Parce qu'avoir la maladie en soi ne veut pas dire qu'on est ennemi de Dieu, non. Être infini ne veut pas dire qu'on est ennemi de Dieu. Il y a un homme là qui est né, grandi, pauvre, il est mort, pauvre, il est au sein de Baran. Vous avez son histoire dans la Bible, non? Lazare. Donc être pauvre, ça ne veut pas dire que c'est la terre. Comme vous dites que ma part est finie sur la terre ici, on est venu accompagner les autres. Oui, tu l'accompagnes en tant que pauvre. Mais le problème, c'est que là-bas, ce n'est pas la situation qui sera là-bas. Donc, quelqu'un peut être pauvre sur la terre, ça ne veut pas dire qu'on va rater le ciel à cause de la pauvreté. Malade, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se focaliser sur son problème. C'est focaliser sur le solutionnaire des problèmes. S'il le veut, il le fait. Lorsque Abednego Shadrach, dont je tente de parler dans ce livre de Daniel, lorsqu'ils sont concentrés pour parler au roi, ils n'ont pas dit au roi qu'ils sont sûrs que Dieu va les enlever de là. Vous savez ça, frère? Non. Ils ont dit que même si Dieu ne les délivre pas, ils n'adorent pas quand même ça. Donc même si on dit, même si vous voulez tuer quand même, tuer, même si Dieu lui-même ne vit, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, même si Dieu ne les délivrait pas, sache que nous n'adorons pas ton Dieu, oh Nebuchadnezzar. C'est ce qu'ils ont dit. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas là pour que, ils vont faire ça pour que Dieu te délivre, pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Non. Parce que nous avons vu dans Esaïe, dans Apocalypse chapitre 6, là, comment le Seigneur a dit qu'il y a d'autres personnes qui seront mises à mort, non? Le problème, c'est qu'il n'a pas donné le nom de ceux qui seront mis à mort. C'est lui qui connaît le nom là-bas. Frère, peut-être c'est toi. Peut-être tu es parmi. Il dit, ah ben maintenant là, après il va sortir, il dit, qu'est-ce que le frère l'a vu derrière mon dos? Alors maintenant, on a suivi là-bas, disons, je crois que j'ai dit que c'était le dernier livre là-bas. Alors on a dit Daniel là, disons, c'est seulement la phrase là. Daniel, après le livre d'Ézéchiel. Daniel chapitre 3. On y va. Je vais lire le verset 16 à 18, tout simplement. Regardez. Daniel. Celui-ci n'a pas encore trouvé Daniel. Là. Après Ézéchiel, vous allez trouver Daniel. 16 à 18. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Écoutez très attentivement. Voici la parole de foi vraiment des êtres humains qui croient vraiment en Dieu. Qui croient Dieu et qui craignent. Voici verset 17. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise Adam. Vous avez vu cela? Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, vous avez vu le mot? Sinon, sache, ô roi. Simon. Non, pas Simon, mon frère. Simon. Vraiment? C'est Simon, mon frère. Simon. Mais encadre là. C'est Simon dans ta Bible. Ça, c'est lui, second là. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez comment quelqu'un répond à un roi comme ça, le roi qui a autorité de vivre sur toi. Tu lui dis face à face qu'on ne le fait pas. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous avez vu? Donc, je voulais seulement que vous voyez la parole de ces gens-ci. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne le fait pas, nous n'en délivrons pas. Voici la parole de foi. Vous avez vu ça? Alors, quand les difficultés nous traversent la vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons croire Dieu, hormis notre circonstance. Notre circonstance, le fait que tu souffres ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait que tu cries une fois et ne réponds pas ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Non, il a entendu. Ce sont les épreuves de notre foi, quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la maladie que tu fais. Mais la question que je pose ce soir, c'est qu'est-ce que Dieu en train de faire maintenant que nous tenons ici? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vont-nous croire que les difficultés, quelles qu'en soient les difficultés que nous traversons, Dieu a ordonné cela pour parfaire notre foi? Dis donc à quelqu'un que crois Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Mais souvent, si vous croyez Dieu parce que vous avez la nourriture à la maison, vous dites, oh Seigneur, je t'aime parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Attendez que ça finisse à la maison. Il faut croire, quand tu pries, il n'y a pas. C'est à ce moment-là qu'il faut croire Dieu. C'est-à-dire, croire qu'il est le Dieu pourvoyeur. Il peut ordonner à un corbeau de venir te donner la nourriture sans que tu ne saches comment ça a commencé. Et là, c'est quand vous êtes en train de prier, vous mettez au Seigneur et que quelqu'un dit, ah, mon frère, j'étais là-bas, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner tes choses. Tu comprends effectivement que c'est Dieu qui a répondu parce que tu ne lui as pas dit que tu avais tes problèmes. Tu commences à comprendre que j'ai relation avec le Seigneur quand il parle. La Bible déclare dans ces psaumes-là, et lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses frayeurs. Donc il doit avoir les frayeurs sur lesquelles tu vas crier. D'accord? Les frayeurs sont nécessaires pour appeler le Père au secours. Me suivez, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous maintenant, vos mains sont toujours là, levées, pas vrai? Les problèmes sont là maintenant. On entre dans son sentier maintenant. Est-ce qu'on peut entrer dans son sanctuaire? Il a dit, approchons-nous du trône de la grâce. Où vous connaissez clairement ces problèmes que vous avez sur le cœur. Vous avez cela, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Quand vous rentrez du champ avec un poids sur vous, vous arrivez, c'est le sac, vous arrivez quelque part, il y a un endroit où vous déposez. Quand vous déposez là, vous pouvez ressentir encore un peu ce poids parce que ça a eu longtemps sur votre... C'est comme si vous aviez ça, comme si c'est apaisé. Mais arrêtez, ce n'est qu'un temps. Il suffit de redresser la nuque là et vous vous sentez à l'aise, pas vrai? Ne sortons pas de cette sanctuaire-ci là maintenant. Approchons-nous devant lui maintenant. Ce problème, le déchargeons lui devant cela et quittons maintenant avec la foi qu'il a réalisé ce que nous avons demandé, n'est-ce pas? Que ce soit la guérison maintenant, c'est le moment. Je vous ai dit, c'est principalement la guérison. Quel qu'en soit le cas maintenant, quel qu'en soit ce que vous avez maintenant, il faut que vous quittiez ici maintenant avec la solution. D'accord? Baissons la tête maintenant et présentez-lui cela. Et sortez ici maintenant avec cela, croyant que vous l'avez. D'accord? Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Crois Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Quelles qu'en soient les circonstances. Quelles qu'en soient les circonstances. Crois Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Parle-lui. Le Seigneur Jésus-Christ guérit. Il guérit toute maladie jusqu'à ce que la trace disparaît. Jusqu'à ce que la trace disparaît. Jusqu'à ce que les médecins sont confondus. Qu'il vous guérisse ce soir. Vous qui êtes malade, que vous sortiez ici guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez des difficultés, que vous sortiez ici restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans le monde entier qui m'écoutent maintenant. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui dansaient dans la foi. Pour ceux-là qui pensaient au Dieu de gloire, que parce qu'il y a des difficultés, tu ne les connais pas. C'est soit tu as parlé à quelqu'un pour dire que dans cette difficulté, tu en as de parler. Mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est laisser décharger sur toi. Je prie, Père, que tu étends ta main, que tu guérisses quelqu'un. Je prie, ô Père de gloire, que tu ouvres les yeux des aveugles. Je prie, Père de gloire, que tu relèves les paralytiques. Je prie, ô Dieu de gloire, pour tous ceux qui ont les traces de VIH, que tu guérisses quelqu'un. Tous ceux, ô Dieu de gloire, qui sont lunatiques, que tu guérisses quelqu'un. Je prie, Père de gloire, que tu guérisses ceux qui ont des pertes de sang. Ceux qui ont des règles, ô Dieu de gloire, qui ne se manifestaient pas normalement. Que tu guérisses quelqu'un. Que tu accordes la fertilité à un homme, à une femme maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ô Dieu de gloire, que tu leur donnes de ne pas regarder la circonstance, mais de croire que tu le fais pour eux ce soir. Que le nom soit glorifié, Père. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Satan, je m'en tiens, me tiens maintenant en tant que serviteur de Dieu vivant. Je me lève contre toi maintenant de dégager maintenant de ces enfants, de quitter la vie de ces enfants, c'est maintenant au nom de Jésus. Ton opprobre et ton obstacle dans leur vie, ton esprit d'incrédulité dans leur vie, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton obstacle quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je me tiens contre toi maintenant en tant qu'avec l'autorité du Dieu vivant et vrai. Je me lève contre toi maintenant que tu quittes la vie de ces enfants ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la promesse de la guérison, c'est pour nous. La promesse de la guérison, c'est pour toi. Qu'il te guérisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est effectivement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui guérit les malades, celui qui restaure tout chemin qui était tortueux. Seigneur, merci pour ta guérison, merci pour ta restauration. Merci pour la guérison que tu apportes à ton peuple. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Que ton nom Seigneur soit élevé, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus vous guérit. Le Seigneur Jésus vous guérit. Le Seigneur Jésus vous guérit. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit, ma chère. Le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit au nom du Seigneur Jésus. Plus d'obstacles entre toi et le Seigneur Jésus. Plus d'incrédulité. Parce que sa promesse tient toujours. Sa promesse tient toujours pour toi. Sa promesse est vraie pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Seigneur, guéris ton peuple. Oui, vous sortiez ici guéris. Vous tous qui m'écoutez dans le monde entier, vous tous, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez seulement. Croyez seulement. Croyez seulement. Si vous pouvez croire seulement. Croyez seulement. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, c'est de votre droit le plus absolu en tant que croyant de voir la gloire de Dieu dans votre vie, de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous avez un privilège glorieux devant le Seigneur de vous approcher devant le trône de grâce pour être secouru. C'est ce qu'il a dit. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as accordé. Merci pour le privilège, Seigneur, parce que tu as des choses en réserve pour nous. Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple. Merci, Père de gloire, pour l'esprit, ô Dieu de gloire, que tu donnes à ton peuple pour pouvoir pallier à tous leurs besoins. Merci pour la foi que tu accordes à ton peuple par la puissance que tu as déblayée à la croix afin qu'ils marchent dans la sainteté. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple. Merci, Père de gloire, pour la guérison que tu accordes à ton peuple. Merci pour la guérison que tu accordes à ton peuple. Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer le peuple du Seigneur, de libérer ses enfants, de quitter leur vie afin qu'ils servent Dieu dans un esprit nouveau. Je t'adjure au nom de Jésus-Christ de quitter leur cœur, de quitter le corps maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan n'a aucun droit légal sur vous. Il n'a aucun droit légal. Qu'il quitte votre vie maintenant. Vous êtes le peuple de la foi en Jésus-Christ. Satan n'a aucun droit légal pour demeurer dans votre vie. Il doit quitter. Je t'adjure au nom de Jésus-Christ de libérer ce peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la guérison est pour toi. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, la guérison est pour toi. Au nom de Jésus-Christ, la guérison est pour toi, ma soeur. Que le Seigneur Dieu du ciel te guérisse. Qu'il te guérisse pour toi qui pleure jour et nuit. Que tu veux voir sa gloire. Qu'il te guérisse et qu'il te visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes frères, sa puissance est en ce lieu. Vous pouvez le voir maintenant se manifester. Vous pouvez le voir maintenant. Vous pouvez le voir maintenant. Vous pouvez le voir là maintenant. Et vous savez effectivement qu'il est au milieu de nous. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la restauration que tu accordes à ton peuple. Merci. Mon frère, reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus et rentre guéri. Rentre guéri au nom du Seigneur Jésus. Ma soeur, rentre guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vienne plus faire obstacle entre toi et ton Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma soeur que tu guéris. Merci pour mon frère que tu guéris. Merci pour mon frère que tu guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te guérisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse, qu'il change ton sang. Qu'il change ton statut. Qu'il change, oh Dieu. Change, oh Dieu, ce que l'homme a déclaré contre ma soeur, contre mon frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui délivre. Tu n'as pas changé. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui restaure ton peuple.